Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'interludique sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, c'est Mickaël, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler des jeux, qui est au micro. Comment ça va tout le monde? Et bien évidemment, je ne suis pas seul, mesdames et messieurs, dans le studio de CJMD. Je suis accompagné de mon acolyte de toujours, le roux, monsieur Andrew Castegan. Comment ça va, Andrew? Ça va, je suis un peu traumatisé, parce que j'ai un grand événement qui arrive cette fin de semaine dans ma vie, monsieur Michaud. Ben oui, ça va être ton anniversaire. Ben oui, je vais avoir passé à travers le quart de siècle. Je vais pouvoir dire que je suis plus vieux qu'un quart de siècle. Hein? C'est une étape... À partir de dimanche que tu vas pouvoir faire ça. Ouais. Et d'ici là, monsieur Castegan, on a une émission à faire. Et là, cette semaine, mesdames et messieurs, comme à notre habitude, comme je dis à chaque semaine, grosse émission, on va parler de nouvelles ludiques, bien évidemment. Et on va avoir en deuxième heure, monsieur Julien Materne, qui va venir nous parler comic book et qui va venir aussi nous parler de Geekfest Québec, une belle nouvelle qui est arrivée la semaine passée. L'agrandissement de l'événement Geekfest avec partenariat, on va en reparler un peu plus tard avec Julien en deuxième heure. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez voir notre site pour écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts, entrevues et autres. Malheureusement, l'émission de la semaine passée n'est pas encore sur le site. On a été très occupés depuis la semaine passée. Bientôt, on va s'occuper de mettre les deux émissions, la semaine passée et cette semaine, en même temps, sur le site un peu plus tard au courant de la fin de semaine. Sinon, on vous invite également à nous rejoindre sur la communauté Facebook. Donc, vous allez dans la barre de recherche sur votre Facebook et vous tapez Puissance Maximale, vous allez nous trouver très facilement. Comme ça, vous appuyez sur le bouton J'aime et vous aurez plein de nouvelles, des exclusivités sur l'émission. Ouais, puis là, dépêchez-vous, là, parce que là, je suis tanné de voir la petite pub là, qui dit que je t'avais de franchir le 500 j'aime alors qu'on en a 319. Ouais, là, c'est ça. Montez. Invitez vos amis, là. C'est en plein ça. J'ai hâte de voir une autre pub, là. J'ai hâte qu'ils se disent, vous êtes à veille de franchir le palier des 1000. Là, c'est ça. Donc, partagez effectivement la page de Puissance Maximale auprès de tous vos amis geeks. Ceux qui aiment aussi les jeux, dans tous les sortes de jeux, finalement. Et voilà, plein de trucs comme ça. Donc, ne vous gênez pas pour partager cette page avec vos amis. Et bien évidemment, Puissance Maximale, on parle de jeux, on parle d'univers geek, mais il y a aussi de la musique pour vos oreilles, mesdames et messieurs. Et on va commencer par une chanson d'un groupe, évidemment, mythique au Québec, les Colocs. On va vous envoyer « Maudit que le monde est beau » dans vos oreilles. Parce qu'on le pense, mesdames et messieurs, que vous êtes magnifiques, presque autant que nous. Mais... Ouais, ben j'allais dire aussi, le printemps, il arrive, là, les filles, là, pis tout ça, mais non, à moins 22 le matin. On dirait que le printemps, il veut pas arriver. Mais peut-être qu'on va l'inviter avec ça. Qui sait, peut-être que qu'on pourrait avoir une entrevue avec le printemps. Ah, on va essayer ça. Entre-temps. Mais peut-être que les colocs l'attireront ce printemps. On va tester, en tout cas, avec Maudit que le monde est beau. On vous envoie ça dans vos oreilles à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Maudit que le monde est beau. dans les vitrines, les magazines, mousclamant des pots. Dans les annonces de Roberto, Caroline clamant des pots. Car tu vas chercher son Oscar, on dit clamant des pots. Dans un décapotable char, le pierre se trouve là. On fait la bicyclette tous les samedis. Oh! Des bientôt, puis les playboys, caricotent la banlieue. Arrive déguisé en cowboy, et Caroline clamant des pots. Quand c'est Jeannette qui veut savoir, on dit clamant des pots. Quand ils sont bronzés en hiver, les pierrettes se trouvent là. Après la bicyclette, tous les samedis. Ah! Des jeans de vie, des photos, mon petit clamant des pots. Au chêne café bio du Salvio, Caroline clamant des pots. En pleine campagne électorale, il clamant des tombeaux. À l'hôtel de ville de Montréal, les pierres se trouvent là. En la bicyclette, tous les samedis. Oh! Dans les films de Jean-Claude Lauzon, Harley Davidson. Pas de casse, pas de tête, pas de pantalon. Caroline clamant des pots. Dans notre dernier vidéoclip, il clamant des tombeaux. Avec sa chirurgie plastique, les pierrettes se trouvent là. On fait la bicyclette tous les samedis. I'm Draken, also Alexander. I'm Dual Ryan, also Ryan Roth. We made Starseed Pilgrim. And you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Maudit que le monde est beau des colocs. Et là, on a eu des auditeurs qui nous disaient que le lien streaming ne marchait pas. Ben, c'est réglé, mesdames et messieurs. Grâce à la magie du technicien informatique. Voilà, donc Andrew, pendant la chanson, nous a arrangé ça. Vous pouvez retourner au www.puissancemaximale.com pour écouter ça en streaming directement dans vos oreilles. Sinon, il y a TuneIn aussi. Oui, il y a TuneIn aussi. Vous tapez CJMD, vous allez nous trouver très facilement. C'est CJMD 96.9 et vous y aurez accès. Mais dis-moi, Michael, est-ce que ça a été répondu à notre éditeur comme de quoi que c'était fonctionnel? Oui, monsieur Courtemanche nous dit que ça fonctionne. Parfait. Excellent. Donc, c'est parti, mesdames et messieurs, pour un puissance maximale fonctionnelle. Et on va commencer avec des bonnes nouvelles. En fait, le retour des journées ludiques, mesdames et messieurs. Les journées ludiques, on vous rappelle, on y va chaque année. Cette fin de semaine où vous pouvez aller jouer pour une... En fait, c'est vraiment pas cher. Vous vous présentez là pour 15$, 20$ pour le week-end. Vous présentez là, puis vous avez accès à plein de jeux, des nouveautés. Et il y a le concours, il y a un concours sur place également pour les éditeurs de jeux. En fait, les créateurs, si ça vous tente de vous lancer... Vous vous lancez justement là-dedans les plateaux d'or, donc vous pouvez aller vous tester comme créateur de jeu. Vous pouvez vous inscrire, donc je vous mets le site directement sur la page de Puissance Maximale, donc des journées ludiques. Et cette année, ça va se passer, donnez-moi deux petites secondes, le 14 et 15 juin prochain. Donc, vous avez encore le temps de vous préparer. Juste vérifier, c'est au Centre communautaire Michel Labadie de Québec. Donc, voilà, il faut vous y rendre en grand nombre. Ça vaut vraiment la peine. C'est une journée qui commence le samedi 9h et qui se termine à 2h du matin. Fait que pour les crinqués. Puis en plus, il y a nos amis de chez TPM, notre ami Francis de Sociojeux, qui sont les partenaires principaux. Chantal de Distribution Doud, qui est. Chantal! Qui va être là. Nos amis de Philosophia également, qui vont être Fox Mine. Bref, ben du beau monde. Donc, si vous voulez vous lancer dans le jeu de plateau pendant une fin de semaine, c'est l'endroit où vous rendre au mois de juin. Donc, un petit 20$ pour toute la fin de semaine, 15$ pour le samedi seulement, 10$ pour le dimanche, et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Donc, si vous avez une petite famille, là, puis vous voulez les initier, c'est une très, très, très bonne idée. Donc, voilà. L'admission du samedi est réservée aux joueurs de 12 ans et plus. Des joueurs de 12 à 15 ans devront être accompagnés d'un adulte pour l'occasion. Parce que je vous avertis, il y a beaucoup de monde aux journées ludiques. Oui, donc, monsieur. C'est le fun d'amener vos enfants, mais surveillez-les. Parce que c'est assez... c'est très, très, très, très occupé. Puis en plus, vous avez des animateurs sur place. Donc, si vous voulez avoir des jeux justement adaptés à eux, ben il y aura tout le service qu'ils vous font. Donc, surveillez les autres... nouvelles qui pourront passer justement à propos des journées ludiques. Bien évidemment, nous, on suit ça tout le temps parce qu'on aime les gens des journées ludiques. Et si je me rappelle bien, ben, à travers ça, il y a des gens aussi qui travaillent à la revanche. D'ailleurs, on va y aller dans pas long. On est très, très, très occupés ces temps-ci, mais on va aller faire notre tour. On n'est pas encore allé voir. On fait beaucoup de pubs sur la page Facebook, d'ailleurs, pour le pub La Revanche à Québec. Ouais, mais on les aime, même si on n'a pas été les voir. Ben oui, c'est ça. C'est ça, mais on les connaît. On a même un ancien collaborateur de l'émission qui est dans l'équipe La Revanche. C'est pour ça qu'on les aime. Ben oui. Et aussi parce que c'est une très belle boutique. Ben, c'est ça. Concept, là, pas juste parce qu'on. Parce qu'on a un parti pris. Mais non, on a hâte d'y aller, en fait. Donc, le Pub La Revanche, surveillez-vous. On rappelle aux auditeurs que le Pub La Revanche, à Québec, sur Charest, à peu près en face du Benjo, dans ce coin-là, et vous avez la chance, à ce pub-là, d'avoir plein de jeux de société. Vous payez un montant, vous avez accès aux jeux, et vous avez des animateurs sur place qui vous expliquent les jeux. Que ça vous tente pas de vous taper la lecture de règlement tout plein. Mais dans ce temps-là, ben, vous allez au Pub La Revanche et... vous dites, je veux jouer ce jeu-là, dis-moi comment. Voilà, donc... Arrange pas pour que j'ai juste un dé à lancer. Donc, préparez-vous, mesdames et messieurs, pour les journées ludiques de juin et toutes les autres semaines de l'année, vous rendre au Pub La Revanche sur Charest pour jouer à des excellents jeux. Ouais. Autre nouvelle, M. Castegan, que j'ai pour toi. En fait, on en a parlé souvent depuis le Warp Zone 6, parce qu'on a eu la chance de l'essayer. Je parle ici de l'Oculus Rift, donc ce casque visuel de réalité virtuelle, nous plongeant justement dans une réalité augmentée à l'intérieur des jeux. Mais là, on a parlé en plus la semaine passée qu'il y aurait des rumeurs que Sony se lancerait dans l'aventure pour concurrencer... Ben, dans la guerre thermonucléaire, ben, de la course du casque de réalité augmentée. C'est en plein ça, mais est sortie aujourd'hui une nouvelle, et là je la prends cette nouvelle sur le site Branchez-vous, que j'aime beaucoup d'ailleurs, un site québécois, avec M. Laurent Lassalle, éditeur en chef, rédacteur en chef de Branchez-vous, qui a travaillé entre autres au Triplex Techno sur le site de Radio-Canada. J'aime beaucoup ce monsieur. J'aime beaucoup lire ce qu'il écrit. C'est un gars qui connaît sa shot. Donc, branchez-vous.com, allez voir ça. Et sur ce site, j'ai vu ça passer aujourd'hui, deux nouvelles. Donc, Sony dévoile Morpheus, un casque de réalité virtuelle pour concurrencer le Oculus Rift dont on vous a parlé tantôt. Je vous lis la nouvelle rapidement. Donc, ce serait évidemment pour PlayStation 4. Depuis le succès de l'Oculus Rift, là, la réalité virtuelle est de retour. On se rappellerait qu'il y a quand même eu un petit élan là, dans les années 90. Des années 90, on avait tout un gros, une grosse cabine, un boot. Là. On se mettait dans le milieu de ça. On avait les lunettes, on avait une manette. Bon, mais là, c'était très, très... C'est le début de la 3D, en plus. Là, la Nintendo. Moi, je me rappelle avoir testé ça à la ronde. Moi, c'était à Expo Québec. Puis c'était le Superdome Nintendo à la ronde. Le 64 était même pas encore sorti à l'époque. Donc, on était vraiment au début de la 3D dans les jeux. Et c'était assez... C'est, l'expérience est intéressante à l'époque, quand on est tout petit, puis... Mais c'est un peu de la scrap quand j'y repense. Ben, surtout quand on repense au Virtual Boy. Ouais. Ouais, ben, le Virtual Boy était sorti de pas si longtemps. En rouge! En rouge, noir et des monts de tête. Et là, on nous dit que le Morpheus, c'est un écran de résolution 1080p avec un champ de vision de 90 degrés, alors que l'Oculus Rift, lui, nous propose un 110 degrés, donc une petite... petite réduction à ce niveau-là. On nous dit aussi que l'appareil est également doté d'un accéléromètre, d'un gyroscope et d'une caméra, fait de permettre de suivre avec précision les mouvements de la tête du joueur. On propose la nouvelle technologie audio 3D de Sony qui permet de rendre l'expérience plus immersive. Et là, je cite Monsieur Shudei Yoshida. « J'ai longtemps rêvé à propos de la réalité virtuelle et les possibilités qu'elle apporte au niveau de développement du jeu. » Donc, c'est le président de Worldwide Studios chez Sony qui a dit ça. Il a dit aussi, cette nouvelle technologie offrira un sentiment de présence où vous, en tant que joueur, aurez l'impression d'être dans le jeu et vos émotions sembleront d'autant plus réelles. Pour Sony, Morpheus, c'est l'aboutissement de 3 années de travail. Donc, ils viennent pas d'allumer là-dessus. Ça fait quand même un petit bout qu'ils en parlent. Écoute, là, je lis ça, puis on nous dit aussi que les prototypes seront distribués auprès des développeurs, mais le fabricant Nippon s'est gardé de dévoiler la date prévue pour la mise en marché grand public. Et... suite à ça, autre nouvelle qui est sortie un peu plus tard dans la journée, on parle de rumeurs cette fois-ci. Microsoft travaillerait également sur son casque de réalité virtuelle. Là, quand j'ai parlé de ça, Andrew, tantôt, hors d'onde, on s'est dit, est-ce qu'on est devant la nouvelle, tu sais, la nouvelle manie là, de l'industrie du jeu vidéo? Parce que quand la Wii est sortie, là, c'était la reconnaissance des mouvements, avec la Kinect, après ça, on a eu le PlayStation Move qui est arrivé. Est-ce qu'on est devant le nouvel accessoire tendance pour la prochaine génération de consoles? Cette fois-ci, ça va arriver plus rapidement là, que dans le cas de la Kinect et la PlayStation Move. Donc, selon, on parlait justement, là, des années 90, c'était le gros hype. C'est jamais revenu. C'était trop cher à produire. C'était trop cher à l'époque. Mais là, avec justement, comme disait Andrew tantôt, hors d'onde, avec la miniaturisation de tout ça. C'est dur à dire, hein, quand on... J'ai réussi. Moi, j'ai eu peur quand j'ai commencé à le dire. Mais quand on est fatigué un peu, là, on arrive pour dire une miniaturisation, là. Mais je l'ai eu. Donc, avec cette possibilité-là, ben... c'est une technologie qui est de plus en plus accessible et bon marché, entre guillemets, là, bien évidemment. Ce serera à voir combien ils veulent vendre ça au grand public. Mais bref, Microsoft travaillerait donc aussi sur un casque de réalité virtuelle. Dans la nouvelle, encore ici, pris sur le site Branchez-vous. Donc, on nous dit justement que le Morpheus est annoncé. Il y a un article qui est paru dimanche dans le Wall Street Journal qui mentionne que Microsoft travaillerait également sur un casque de genre-là, sans toutefois spécifier si l'intégration de celle-ci est prévue pour la Xbox One. Donc, selon le journaliste Ian Scher, pardonnez-moi, Microsoft a développé des dispositifs de réalité virtuelle et aurait même déposé au moins un brevet décrivant sa technologie, baptisé Fortaleza, forteresse, en portugais. L'initiative est motivée par le désir de Microsoft d'offrir une suite d'expériences uniques pour sa gamme de produits Xbox, tel que le rapporte le blog Boy Genius Report. Le brevet en question s'intitule « Multiplayer Gaming with Head-Mounted Display ». Non, mais moi, je te dis, je vois une utilisation de ça aussi pour les entreprises. Je fais une référence avec mon travail. Il y a un phénomène qu'on voit ici, que c'est la vidéoconférence, qui est des grandes salles de réunion, où, dans le fond, t'as une grosse TV puis une caméra hors de prix qui peut se diriger, zoomer sans perte de qualité pour avoir des conversations avec d'autres gens ailleurs dans le pays, même des fois dans le monde, dépendamment d'avec qui. Mais pourquoi pas un petit casque là, de réalité virtuelle? Là. Ben oui, pourquoi pas? Ça serait comme ça, tu rentres dans une réalité virtuelle et tout le monde... Il pourrait y avoir effectivement un marché pour ça, pour les réunions d'affaires. Qui ben oui. Puis là, évidemment, là, avec cette rumeur-là, on nous dit qu'il est impossible, comme pour Sony, de déterminer le prix et la date du lancement prévu d'un tel casque pour Microsoft. Mais c'est un brevet qui a été déposé en août 2012. Ça fait quand même un petit bout. Donc, on va voir ce que les deux compagnies prévoient faire. Dans le cas du Morpheus, on sait que c'est destiné pour la PS4. Microsoft, on le sait pas, mais bon. Moi, j'ai une autre nouvelle là-dessus, moi. Ben, vas-y donc. Ben, ça a l'air que Nintendo aussi se lance dans une blague, c'est pas ça. Mais en fait, Oculus Rift ont réagi, évidemment, à toutes ces annonces-là. J'imagine bien. Et ils annoncent que, dans le fond, la deuxième version de leur kit de développement est déjà disponible en précommande sur leur site pour le montant de $350. Il serait déjà disponible en juillet. Mais eux autres, tu fais, ouais, mais c'est ça, eux autres, ils ont une bêta qui était disponible depuis un petit bout. Mm-hmm. Là, mais là, sauf que là, ils vont mettre les écrans HD dedans, puis le format qui devrait ressembler plus au produit fini. Non, ça sera surveillé. Alors, est-ce qu'on on s'en va vers une nouvelle guerre des accessoires, mesdames et messieurs? Je crois bien que oui, ça c'est un bon filon, mais tu sais, je sais pas, j'ai aimé mon expérience avec l'Oculus Rift, mais 3 heures? Ah ben là, ils vont remplacer l'écran un peu pourri qui était flou par des écrans OLED en 1080p. Même à ça, en tout cas. Et aussi en même temps, il va y avoir un autre accessoire qui va se fixer sur l'écran, genre de parce que on joue généralement devant un écran pareil, là, qui va analyser justement les mouvements de la tête pour rendre ça encore plus, qui répondre encore plus aux mouvements de la tête. Ah, ok. Bon, ben, ce sera surveillé, mais bon. Mettons que ça, j'imagine que ça s'appliquera pas à tous les jeux, parce qu'il y a quand même, tu sais... Et ça devrait réduire le motion sickness, c'est ça que la personne d'Oculus dit. OK, bon, ça sera surveillé, parce que quand c'était, même... C'était l'effet de, il paraîtrait que c'était majoritairement causé par le flou, il y aurait eu un effet de saccadé dans le rafraîchissement d'image. C'est sûr que ça aide pas, là. Puis c'est ça qui aurait créé beaucoup de motion sickness, tandis que la version OLED a un rafraîchissement d'image beaucoup plus élevé. Donc, réduirait considérablement le motion sickness. Mais c'est clair que moi, je penserais pas, tu sais, taper une game de Skyrim avec ça. Il me semble qu'à un moment donné, t'as beau avoir les meilleures avancées technologiques pour réduire le motion sickness. Déjà que, tu sais, après une couple d'heures de gaming, des fois, t'as les yeux qui font, les yeux qui te chauffent. Imagine quand l'écran est à peu près 3 pouces et quart de tes yeux. Ça serait, même si c'est du HD, les meilleurs écrans possibles, il reste qu'il y a une fatigue qui s'installe. Ce sera à voir avec quel genre de jeu ça va s'appliquer et s'il y a beaucoup aussi de développeurs qui vont se lancer dans le développement de jeux compatibles avec cet accessoire-là. Mais bon, on va bien voir, l'avenir nous le dira et qui, comme dit l'adage, qui vivra, verra. Et parlant de guerre, Monsieur Castegan, au niveau des consoles, ben, une dernière nouvelle avant d'aller en pause musicale. Seth Rogen, que certains connaissent comme acteur, entre autres, il avait joué dans un remake du film Green Hornet. Il est au cœur de la guerre entre Nintendo et Sega, et je vous explique que c'est une nouvelle que je prends sur le site de la presse. Donc, deux des geeks les plus notoires d'Hollywood ont mis la main sur un projet à leur mesure, la lutte sans merci que se sont livrés les firmes Nintendo et Sega dans les années 90. Donc, Seth Rogen et son ami, le scénariste Evan Goldberg, en fait, ils ont joué dans This is the End et Superbad. Monsieur Rogen également, ils ont écrit et réalisé un film qui va s'appeler Console Wars, qui chronique, genre, qui vont relater les ruses et manœuvres de la modeste entreprise américaine Sega, qui a cherché à briser le monopole du jeu vidéo dont jouissait à l'époque Nintendo. Bon, on dit que c'est une entreprise américaine, Sega, dans l'article. Ben, Sega of America, là. Ouais, mais il y a Nintendo of America aussi, mais ça reste que c'est une compagnie nippone, Kaltor. Bref. Donc, l'industrie du gaming qui engrange la somme, je continue l'article, là, engrange la somme astronomique de 50 milliards de dollars par année, dépasse en chiffre d'affaires celle combinée du cinéma et de la musique. Pour le rappeler aux gens, là, pour dire que c'est marginal les jeux vidéo, je répondrai « fuck you ». Mais aussi, bref, un projet qui va être à surveiller. C'est américain. Ah ouais? Oui. Ben, quel tort. Quand ça a été fondé en 1951, ça a été fondé par deux Américains et la société s'appelait Lemaire and Stewart. Ça a été... Ah, ben, calvasse. Ben, mes excuses à Joseph Sirocca. Ça a été racheté, dans le fond, en 1960. Okay. Par une firme nippone qui a converti le nom pour Sega. Ouais. Pour Service Game. Ça n'a pas été très, très long après la fondation, finalement. Mais à base, Sega faisait des jukebox. Ah, oh, ouais. Oui. On en apprend tous les jours. Mm. Et Monsieur Castegan, après cette nouvelle de cinématographique, on va aller en musique. Et en plus, au retour de notre pause musicale, Monsieur Castegan reviendra avec sa chronique « Le saviez-vous? » Donc, chronique qu'il fera maintenant lorsqu'on fait des nouvelles ludiques. Mais avant tout ça, on va aller écouter un peu de métal, du folk metal, mesdames et messieurs, avec le très populaire, en tout cas dans l'univers du métal, et vous allez peut-être le découvrir, vous, à Lévis et dans les environs, le très intéressant et populaire groupe Finn Troll. Et la chanson s'appelle Troll Ameren. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Finn Troll et son Troll Hammerin. Donc voilà, je vous avais dit que c'était bon. Hein? Bon, ben voilà. Excellent. Toujours des bons choix de musique à Puissance Maximale. Toujours. On peut passer des colocs à Finn Troll. Non, mais il y a plein de monde qui m'en parle et qui sont contents de la diversité musicale qu'on trouve à Puissance Maximale. Et j'ai jamais dit l'inverse. Et je continuerai à le faire jusqu'à la fin des temps. Un jour, il y aura peut-être du I Wrestle a Bear Once. Peut-être. J'ai bien dit peut-être. Ben, t'as aimé ça dans mon char. Ah, c'est bon. Et après ce peut-être, mesdames et messieurs, nous retournerons en nouvelle ludique avec M. Castigan. Mais avant, saviez-vous que... Le fameux saviez-vous que... Ben, là, va pas qu'on demande un thème, là, aux deux snooze. Là, ah, on va s'organiser de quoi. Mais là, grâce à cette chronique, mesdames et messieurs, vous vous coucherez moins niaiseux, encore moins niaiseux. En écoutant Puissance Maximale. Parce que vous êtes maximale. Jamais niaiseux. Non, vous l'êtes toujours un peu. Quand vous écoutez Puissance Maximale, quand vous allez vous coucher après, on est en business. En fait, c'est le monde qui n'écoute pas Puissance Maximale qui sont niaiseux. Ah, ben ça. Vous êtes déjà instruits parce que vous avez fait le bon choix. Voilà, propager la bonne nouvelle et amenuiser la niaiserie autour de vous. Donc, M. Castigan, est-ce qu'on savait que... Mais est-ce que tu savais que Nintendo a tellement d'argent dans ses coffres qu'il pourrait faire des pertes de 250 millions par année et survivre jusqu'en 2052? Non. Ben, en fait, oui, là, c'est pas vrai, parce que tu me l'as compté avant. Ah, oh, t'as brisé toute la magie! Mais c'est quand même une nouvelle assez... c'est assez impressionnant. On a comme moins pitié de Nintendo puis de son flop avec la Wii U. Ouais, ben c'est ça. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il disait? Donne-moi deux petites secondes, j'avais trouvé le montant. Oui, donc ici. Donc, dans le fond, il y a eu c'est GamesRadar qui a eu une entrevue avec M. Satoru Iwata, le grand patron de Nintendo. Et il disait, ben t'sais, Nintendo, il y a eu des bonnes années, t'sais, avec le NES, le Super Nintendo... ben, le 64, on s'en cachera pas que ça a quand même... ça a quand même bien marché. Ça a quand même bien marché. Puis les consoles portables Nintendo ont toujours cartonné. Puis les Game & Watch à l'époque, puis toutes ces affaires-là. Et il disait, peut-être venant le cas, là, que la Wii U, là, c'était un flop. Là, un flop monumental, le pire de l'histoire de Nintendo. Est-ce que vous allez mourir? Et il a dit non. Il a dit, lors des dernières déclarations de Nintendo, on avait approximativement... 812,8 billions de yens dans le compte de banque. Et ça, c'est sans compter le 469 billions de yens en placement actuellement. Parce que, mesdames et messieurs, il y a bien des entreprises présentement que là, quand ça va mal, ils ont besoin de l'aide du gouvernement. Parce que là, ça va pas bien. Mais tandis qu'il y a des compagnies comme Nintendo, quand ça va bien... Ils ont fait des placements. Ils investissent dans leur compagnie, mais ils font des placements. Et... pas n'importe quel, visiblement, parce que grâce à ça, la compagnie, malgré certains échecs, on parlera de la GameCube quand même, qui n'avait pas été la... C'est une bonne console, en fait, mais... Virtual Boy. Ouais, Virtual Boy, la GameCube n'a pas été super géniale non plus au niveau des ventes, c'est une bonne console pareil, mais... Et là, présentement, la Wii U, malgré ses échecs ou ses désappointements commerciaux, on a quand même Nintendo qui est toujours là et toujours debout. Donc, peut-être une petite leçon économique que nos amis nippons peuvent nous servir à nous, pauvres occidentaux. Voilà, c'est dit. Et voilà. C'était la nouvelle économique de la semaine à Puissance Maximale. Voilà, c'était le saviez-vous, et maintenant, on le sait. Monsieur Castigan, autre nouvelle? Ben, sinon, t'entends-tu d'en avoir une deuxième rapide? Ben, ouais, parce qu'on parlait de Microsoft tantôt. Tu voudrais savoir si je sais d'autres choses? Ouais. Donc, ouais, c'est juste parce que celle-là, elle vient de popper sur mon site de référence, puis je la trouve très drôle. Ben, Andrew, est-ce que je sais que... Est-ce que tu savais que Rare, la compagnie derrière Banjo-Kazooie et Donkey Kong au début... Killer Instinct. Exactement. Ben, ça a été une des compagnies qui a développé des jeux prototypes pour la Kinect, avant que, dans le temps que la Kinect n'était que belles paroles et schémas et que c'était pas présenté encore. Et le jeu, ça permettait aux joueurs de prendre le contrôle d'un goéland et de faire caca sur la tête des passants. Wow! Si ça, ce n'est pas du prototype, mesdames et messieurs, on sait pas c'est quoi! C'est quand on veut tester à fond un nouvel accessoire et les possibilités qu'il peut amener sur notre console, faire un goéland qui drop sa tête du monde. Exactement. Pourquoi pas? Et la source venait, dans le fond, de Monsieur Nick Burton, un des... je pense, c'est, si je me trompe pas, c'est un game designer chez Rare. Et c'est un directeur en développement chez Rare qui a fait ça lors d'une entrevue à Games Industry. Ah, mais drôle, effectivement. C'est juste parce que j'ai actualisé la page, ouais. Puis ça a popé, puis je l'ai trouvé très bonne. Fait que je pouvais pas m'empêcher de la dire. Ben, c'est bon plan. Bon plan. Et Monsieur Castigan... Autre nouvelle. Ben, on va parler d'engins graphiques, mesdames et messieurs. On va... Diantre, qui l'eût cru. Et ça, d'ailleurs, je vais remercier monsieur Mathieu Charron, qu'on a déjà parlé plusieurs fois et qui fait des vidéos qui seront un jour en ligne de nos apparitions à GNimé. Oui. Et dans le fond... Ça s'en vient. Je travaille là-dessus. On essaie de trouver une façon efficace de vous partager ça. Ouais. Et tout ça pour dire que le Unreal Engine 4, est maintenant disponible pour vous, chers développeurs indépendants, que vous pourriez nous écouter, parce que oui, on aime les développeurs indépendants, pour le prix de 19$ par mois, plus un 5% de royalty pour les jeux que vous allez sortir utilisant l'engin. Donc, ici, on parle, dans le fond, un accès complet donc à l'engine, donc vous avez accès au code source, tout, le... Development kit, le mod toolkit, vous avez vraiment accès à tout. Même en plus, les manuels, dans le fond, pour vraiment bien assimiler l'engin. Donc, on parle quand même d'une grosse annonce qui a été faite par Epic, dans le fond, qui est la compagnie qui fait le développement du Unreal Engine. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un engine qui est quand même assez facile à utiliser. On ferait une moteur graphique, mais ça coûtait toujours extrêmement cher par l'acquisition de cet engin-là. Et c'est quand même un engin qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, le fait que ça devienne plus accessible à nos développeurs indépendants est quand même très intéressant. Ça offre énormément de possibilités, justement, à nos amis des studios indépendants pour créer des jeux sans se casser la tête avec la programmation. Puis, on a accès à quand même quelque chose de très bien, là. Ben oui. Ça fait que, pourquoi pas se lancer, mesdames et messieurs, si c'est un problème que vous aviez, mais peut-être que ça pourrait régler et vous pourriez rentrer en mode créatif prochainement, qui sait? Qui sait? Autre nouvelle, M. Castigan? Oui, faut noter ici une mauvaise nouvelle, mais dans le fond, pas une mauvaise nouvelle dans le sens des licenciements et tout, ça j'en ai pour plus tard, on sait tous qu'est-ce qui arrive des fois, c'est assez dramatique, j'ai pas lu les nouvelles encore, tout ça pour dire Titanfall. Vous vous rappelez, j'avais parlé de la bêta de Titanfall, jeu qui est déjà sorti sur la Xbox One. Oui. Et la version PC. Jeu qui m'avait quand même très plu, quand même impressionné au niveau du jeu, à part le fait que les décors n'étaient pas destructibles. Et c'est toujours le cas d'ailleurs dans la version finale du jeu. Mais en fait, c'est pour annoncer que la version 360 du jeu a été de nouveau repoussée. Déjà au départ, là, que le titre était supposé de sortir... en même temps que le jeu, que ça avait été décalé au 28 mars, mais là, on parle maintenant du 8 avril, en Amérique du Nord. Fait que là, si vous étiez tout prêt à jouer à Titanfall avec votre 360, il va falloir encore attendre un peu moins d'un mois, mais quand même. Ben, c'est toujours un peu plate. Mais en fait, au moins, tu vois, c'est au lendemain des élections. Ah, c'est bon, vous allez pouvoir aller voter. Vous ne pourrez pas dire, je ne pouvais pas aller voter, j'étais dans mon Titan, vous allez pouvoir aller voter, mesdames et messieurs. Donc, on n'a jamais de bonnes raisons pour ne pas aller voter, mais ça va vous aider, je suis sûr et certain. Autre nouvelle, M. Castigan? Oui, j'avais postulé. Postulé? J'avais postulé. En fait, j'avais posté, publié, un vidéo sur la page Facebook cette semaine à propos d'une bande-annonce pour le retour d'une franchise du jeu vidéo qui date des années 80. On parle ici de Gauntlet, qui était un jeu où vous jouiez un guerrier, un valkyrie, un elfe ou un mage, et vous deviez parcourir un donjon, tuer plein de squelettes, tuer plein de monstres et ramasser des trésors. Ben, un classique, finalement. Un classique. C'est un jeu qu'on se casse pas la tête, un peu beat'em all vu de dessus. Ça avait son charme pour un vieux jeu de l'époque. Mais vous saviez, on avait déjà parlé du fait que Midway, à un moment donné, avait fait des ventes de droits intellectuels parce qu'il était ça allait pas bien chez Midway. Ben, imaginez-vous donc que Warner Bros. Games a fait l'acquisition de la franchise Gauntlet et ont sorti un trailer qui, à mon opinion, est fort convaincant. Donc, jeu qui devrait sortir cet été, 2014, pour PC au niveau de la plateforme de distribution Steam. Donc, titre à surveiller. J'espère juste qu'il va peut-être avoir moins de bugs, la version de Arkham Origins de Batman. Ça serait sympathique. Mais sinon, je suis confiant. La mentalité, la spiritualité en arrière de ce titre, la philosophie, semble quand même très bien conservée selon le trailer. Excellent. Hey, j'ai une nouvelle pour toi, Endo. Ah, je m'en vais. Écoute, pour les amateurs de jeux musicaux, on parle ici de Guitar Hero, Band Hero et DJ Hero. Les DLC ne seront bientôt plus disponibles. Je vous explique. Activision a annoncé sur Facebook la disparition prochaine de tous les DLC de Guitar Hero, Band Hero et DJ Hero à compter du 31 mars. Il sera donc impossible d'acheter de nouvelles chansons pour ces titres. En attendant, certains de ces DLC seront en promo jusqu'à 50% sur la Xbox 360, PS3 et la Wii. L'application iOS sera également proposée à prix réduit. Donc, on note que pour la suite, il sera toujours possible de profiter des DLC achetés avant la date butoir. Donc, ceux qui ont des DLC... Ça, c'est moi. Mais là, ouais, je vois pas pourquoi tu dis que c'est une nouvelle pour moi. Non, en fait, ben pour toi, parce que je m'adresse entre autres à toi et aux auditeurs. Okay. Mais voilà, donc, les gens qui possèdent ces jeux, peut-être aller regarder pour des ventes, car ces DLC ne seront plus disponibles en ligne après le 31 mars. C'était inévitable, en fait, avec la fin du suivi au niveau d'Activision. Voilà. Oui, c'est ça. Et une autre nouvelle avec SimCity cette fois-ci, M. Castegan. Enfin, SimCity est offline. Un an après sa sortie, la connexion Internet obligatoire de SimCity est finalement rendue facultative par le patch numéro 10. Ça a pris 10 patchs. Promis de longue date par EA et Maxis, déployé depuis quelques heures. Donc, c'est une nouvelle qui date d'hier en fin de journée. Cette mise à jour met un terme aux cris et aux pleurs des joueurs qui pourront désormais profiter tranquillement du City Builder sans accès net, sans crainte de serveur qui plante et sans se sentir obligé de partager avec les autres mères virtuelles. Dans sa foire aux questions officielle, EA vous fait même un cadeau de quelques cheat codes permettant de gonfler des villes en mode solo. Enfin! Des cheat codes! Mais bon, c'est about fucking time, comme diraient certains. Après un an d'un flop... Et du patch. Et du patch est un flop assez monumental au niveau de ce nouveau SimCity. J'arrête de me demander si la franchise... va survivre. Va survivre. Ben, elle va survivre. T'sais, si on considère que Tomb Raider a été proche d'un des plus graves fails au point de vue monétaire de la franchise, mais que Square Enix l'ont sauvé, j'ose même pas imaginer le gouffre. Mais en même temps, SimCity... C'est une franchise assez unique, hein? C'est une très grosse franchise. Dans le pire des cas, on va peut-être dormir un peu. Ouais, mais il y a beaucoup de monde qui disent que SimCity, la vraie bonne version, c'est la 4. Il y a du monde qui disent que SimCity 4, c'était le best. C'était le best. Avant toute la société et tout. Ouais, mais maintenant, quand ça devient trop gros, tu sais. Ben, ça dépend, tu sais. Tu regardes la micro-gestion que j'avais parlé, là, de. Comment que s'appelle le jeu indépendant que j'ai parlé avec Eric là? Le jeu de SimCity Amish, là? Ouais, c'est ça. Le nom me revient pas rapidement comme ça, mais... Attends un peu. Non, mais je veux dire, t'es pas en collaboration avec 20 000 villes autour, puis... Non, c'est sûr, mais ça reste que tu gères le bois de chauffage de ton villageois, là, tout de même. C'est Banished. C'est ça, Banished. Non, c'est sûr, mais non, je sais pas, on dirait que... D'ailleurs, j'ai hâte de voir si Eric l'a essayé. On pourrait y en reparler la semaine prochaine quand il va venir pour sa chronique. Et M. Castegan, après ces nouvelles, on va repartir en break musical. Et cette fois-ci, nous irons entendre Keith Kuna, un artiste de la région de Québec que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez déjà entendu quelques chansons à puissance maximale. Et là, on vous envoie la toune Déo. Déo dans le sens de déodorisant. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9. Au revoir, mesdames et messieurs. À plus tard, après cette chanson. Je Je me sens trop de cul, je me sens minable, je me sens un petit peu mal. Je me sens fané, je me sens crotté, puis je me sens sale, puis je me sens sale. Je me sens décroché, décalé, je me sens sans dessin, sans destin. Je me sens peureux, je me sens nerveux, je me sens poqué, je me sens coupable. Je me sens alcoolo, je me sens beau, je me sens raté, j'ai mal au sein, j'ai mal. Je me sens espoir, je me sens partir, je me sens finir, je me sens avancer, je me sens nulle part, je me sens pogné, je me sens perdu, je me sens écœuré, encore lisse, je me sens un petit peu pessimiste. Listening to Sans Maximal. Et oui, mesdames et messieurs, de retour à Puissance Maximale avec, on vient d'entendre Kid Kuna et sa chanson Déo. Là, il y a Julien et Marc-Amélie qui viennent d'arriver en studio. Là. Salut! Salut! Hello! Ça va bien? Oui, toi? Oui. Très bien, on va parler en deuxième heure de comic book avec vous. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, on va parler nouvelle ludique, comme on fait depuis le début de l'émission. Et Monsieur Castegan, je suis sûr que vous en avez d'autres pour nous. Non, non, c'est une blague. C'était la fin de Puissance Maximale, je remercie monsieur. Vas-y donc, monsieur. Ben, une mauvaise nouvelle pour nos portefeuilles, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est la musique triste? Non. Non, c'est triste nouvelle notre portefeuille parce qu'il doit y avoir une vente Steam qui s'en vient. Non, demain. Non, c'est vraiment triste. Ben vas-y. Sony gonfle le prix de la PS4 au Canada. Quoi? Faut chier? Oui. Excusez. En fait, ça ne sera pas que Sony, en fait. Le dollar canadien est en baisse, mesdames et messieurs. Donc, l'impact que ça a directement sur le marché actuellement, c'est que la PlayStation 4 va passer du prix de 399,99 à 449,99 canadien. Je parle canadien parce qu'uniquement le Canada va avoir cette augmentation de prix-là. Et pour tout ce qui est accessoires de jeux vidéo et ainsi la fameuse caméra, on parle d'une augmentation de 5$ et les jeux, en moyenne, va augmenter de 10$. Comment? Les jeux à 60$ vont monter à 70$? Oui, monsieur. Tu niaises? Non, monsieur. OK, Sony va se tirer dans le pied. Mais ouais, non, mais le pire dans tout ça, c'est que certain. Microsoft a déjà commencé. Ah, ils ont oui? déjà commencé à augmenter les prix des jeux à de 10$. Quelqu'un répond à ses dépenses, je l'ai collé. Il y a juste la console qui n'a pas augmenté encore, mais ça risque d'arriver. Et on parle aussi d'une majoration du prix des articles électroniques d'un approximatif, d'une moyenne en fait, de 15% d'augmentation du prix à cause de la baisse du dollar canadien. Fait que prenez le prix actuel de votre produit, là, puis rajoutez les taxes, puis remettez les taxes. C'est ça que vous allez payer. Fait que, tu sais, quand on vous dit que la baisse du dollar, c'est bon pour l'entreprise, puis le commerce, ben, c'est bon pour eux autres, puis pas pour nous autres. Voilà. Donc, vous paierez plus cher, mesdames et messieurs, pour vos articles électroniques prochainement. Je pensais que je viens avec quelque chose à dire. Ouais, j'ai vu ça avancer. Ils avançaient vers son micro. L'augmentation de prix de la console, à la limite, avec la majoration du dollar puis le transport, peut-être. Mais au niveau électronique, t'as pas de transport, t'as pas. 15%, c'est un peu exagéré. C'est un peu beaucoup, c'est ridicule. Comme je dis, pour la console, je peux comprendre à peu près. C'est un peu cher, mais je catch, là. Le 10$ de jeu, ça, je comprends moins. Puis 15% de majoration sur l'en-ligne. Non, pas l'en-ligne. Je parle l'électronique. Dans le cas, exemple, que tu veux t'acheter une télé. Non, mais c'est... OK. Ben, c'est ridicule. Je parle les appareils électroniques. Le Steam, le matérialisé, on parle pas d'augmentation encore. Puis une chance. Une chance. Merci. Merci, petit. Je parlais vraiment appareil électronique. Ça reste quand même complètement ridicule. Effectivement. Les consoles, à la limite, je peux comprendre, mais bon. C'est... Les 10$ de jeu, je le catch pas. Non. Mais ça se peut très bien aussi que le monde, ça se peut que ça slack. Hein? De toute façon, l'offre des jeux sur les nouvelles consoles n'est pas si énorme que ça non plus pour le moment. Fait que ils s'aideront pas non plus en... Non. Puis de toute façon, je me doute que c'est probablement une excuse pour rattraper les pertes qu'ils ont eues avec le peu de jus qu'ils ont eu à vendre. Ça se pourrait aussi. Les actionnaires qui poussent dans le derrière. Mais bien triste nouvelle, effectivement. En tout cas, on verra ce que ça va donner au niveau dans un contexte politique, là, je vais demander aux politiciens... On veut aux élections des promesses électorales qui maintiennent le prix des jeux vidéo... comme ceux des études. Fait qu'à partir de maintenant, je décrète le parti Puissance Maximale. Le parti ludique du Québec, mesdames et messieurs. Et ça sera notre mission, s'assurer que les jeux restent abordables pour tous. S'assurer que les Québécoises et les Québécois puissent s'amuser sans problème au Québec, mesdames et messieurs. Et comme ça, on va pouvoir se sortir de la tête tous les problèmes. Nous aurons des salons ludiques communautaires pour les gens démunis. On leur servira pas à manger, mais ils vont avoir des dés à lancer, en tout cas. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Il y aura de la bouffe, il y aura des Doritos et de l'orangeade. Ben oui. Ça prend au moins ça. Qu'il va s'organiser des voyages à Plattsburgh, puis ces places-là, pour aller chercher leurs consoles. Donc, l'autobus complet, puissance là. Maximale sera disponible à partir... Il y en a des projets. Ouais, faudrait se trouver un slogan à boboche, là. Comme la CAQ, là. En tout cas, on pourra penser à ça. Si vous avez, mesdames et messieurs, vous avez une idée pour un slogan pour le parti Puissance Maximale, envoyez-nous ça en message privé. On va tellement en contradiction avec le slogan de début d'émission, l'indicatif de CGMD. Puissance Maximale, passez le go, réclamez 200$. Oh, toutoumtch. Non, mais c'est ça. On vient tellement de tout scraper l'indicatif. Ouais, à Joey. Pas à Joey, mais à Manu. C'est fini. Nous autres, on n'a pas de parti politique, quoi que ce soit. On clash la CAQ, puis on dit que Puissance Maximale, ça fait un parti politique ludique. Non, on n'a pas de parti pris par tout. Non, c'est ça, pas du tout. Donc, voilà, c'est lancé. Non, c'est pas vrai. On fera pas de politique, on n'a pas le temps. On doit vous informer. Voilà. On va faire comme on va faire un gros débordement. On va faire comme les deux sons. On n'a pas le temps. On en retourne dans l'émission. Ils font ça à chaque fois qu'il y a l'alco rock parce que Vinny il parle trop. Ah. Surtout que quand moi je suis là, mais bon. Ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Nobody got time for that. On n'a pas le temps. Autre nouvelle, Monsieur Castigan. Watch Dogs. Oui. Il s'en vient, non? Effectivement, ça s'en vient tranquillement, pas vite. Non, mais en fait, Monsieur Jonathan Morin, créateur créatif du jeu, Créateur créatif. Le directeur créatif du jeu. Ça y allait en maudit, sa création. A fait une estimation de la durée de vie de Watch Dogs. Donc, dans le fond, combien de temps ça va nous prendre pour jouer? Pour passer à travers de Watch Dogs. Et c'est en répondant à une question d'un fan sur Twitter qui l'a dit « Un joueur moyen habitué au jeu Open World mettra entre 35 et 40 heures pour boucler l'aventure principale, mais qu'il faudra compter une centaine d'heures pour faire le tour de l'ensemble du contenu. Fait que dans le fond, comment qu'on peut interpréter ça à la sauce Ubisoft? Ramasse des plumes partout, c'est ça. Faire l'histoire, ça va prendre 35 à 40 heures. Puis pour ramasser les 100 cartes SD réparties dans la ville, là, ça va prendre 100 heures. Non, c'est ça. Donc, on oublie 100 heures, mesdames et messieurs. On va se concentrer. Ben, c'est quand même bon, 40 heures, par exemple. Surtout qu'à ce temps, les jeux vont coûter 70$. Donc, 40 heures, c'est encore... C'est le temps que je vais loader. Moi, j'ai encore plus de PS2 à jouer, que j'ai pas le temps de jouer parce que j'étudiais. Je pense que je vais me mettre là-dessus. Le pire dans ma tête, là, c'est que je me disais, « Oh yeah, tu fais une précommande, il y a un prix annoncé, puis tout. » Là, je repasse à ça. Non, ils sont prudents, les maudits. Ils mettent pas le prix du jeu, ça affecte ceux. Comme ça, s'il y a une inflammation du prix, tu peux pas dire... Une augmentation, ils mettent en feu le prix, OK? Inflammation du prix. Une prétite, toi. Moi, ce que j'ai à dire, c'est opu. Non, mais tu le sais, Andrew, hein, tu sais, il y a les péronismes avec Jean Perron puis ses expressions. Il y a un castéguisme qui s'en vient, là. Moi, je dis qu'Andrew, il pourrait se recycler, là, pour l'équipe de brainstorming pour les slogans à logo, là. C'est clair, tu serais bon à quand? Alors, sans farce, là, l'inflammation du prix. Mais non, mais Louis Luduc, il a fait une affiche avec ma face. Ouais. On dit inflation, OK? Puis deuxièmement, inflammation du prix, là. Quelle crème tu mets là-dessus? Bon. Calvance. Promesse électorale. Non, c'est ça. Mettre la crème, c'est les prix. Merci beaucoup, M. Castegan, pour cette nouvelle. Et moi, j'en ai une autre pour vous. PS4, fin du HDCP et ajout d'un outil d'édition vidéo. Donc, une annonce qui était attendue, en fait, puis il y a certaines personnes qui l'attendaient pas aussitôt. On dit que Sony avait bien fait mention de la possibilité de supprimer un jour la protection HDCP qui empêche de capturer des sessions de jeux sur PS4 via un câble HDMI et une carte d'acquisition. On ne pensait pas voir la chose se concrétiser avant plusieurs mois. Ce sera pourtant le cas bientôt. On dit bientôt dans l'article, entre guillemets, lors de la prochaine mise à jour majeure de la console. Sony en profitera également pour améliorer son propre système de capture vidéo Share en lui offrant un outil d'édition plus complet et la possibilité d'exporter des vidéos et captures d'écran vers un support USB externe. Ça, c'est moi ou Sony, avec la PS4, on dirait qu'ils ont fini par faire avec la PS3, on a perdu certains joueurs qui ont migré vers les autres consoles parce qu'on a été un peu cons avec ben des décisions puis notre attitude. Je pense qu'on va écouter nos clients. Il me semble que depuis le début de l'ère PS4, Sony, ça va bien. Ça va bien. Jusqu'à date, on va leur donner ça. Mais c'est une bonne décision. On touche du bois. Ouais, on touche du bois. J'en ai pas à portée de main. Là. Surtout avec le support externe USB. Il faut mettre nos vidéos là-dessus. Là. Ça peut aider du monde justement qui font du let's play ou ces affaires-là. Puis en plus, ils vont venir un éditeur vidéo. Ouais. C'est comme, on vous l'autorise. On va même vous donner l'outil pour le faire comme du monde. On va même vous aider. Ah, c'est une bonne idée, ça. Écoute, félicitations, Sony. Merci beaucoup. Puis là, la chose qu'on va savoir, le PlayStation Store va se faire hacker encore. Puis... Arrête, c'est-tu. <t'sais. rire> Hey, M. Castegan, une dernière nouvelle avant de passer à la pause musicale pour passer à la deuxième heure de Puissance Maximale. Oui, fan de la manette de Xbox. Parce qu'il faut quand même donner Microsoft pas juste des défauts. Leur manette a quand même gagné un prix, comme de quoi que c'était une des manettes les plus ergonomiques de l'ère moderne. Même si on piquait Sega. Je sais pas de quoi tu parles. Ça a inspiré, là. C'était à saveur de... Là. C'est ça. Arrête. Mais continue donc. Mais bon, même si je suis tout à fait d'accord avec toi, là, mais je vais rester impartial dans ma pub. En fait, tout ça pour dire que vous saviez que les manettes de Xbox 360 marchaient sur le PC. Pour l'instant, les manettes de Xbox One ne fonctionnent pas sur PC. Ben, imaginez-vous donc que cette année, j'ai pas de date encore, cette année, les manettes de Xbox One seront compatibles sur PC à l'aide d'une mise à jour de Windows. Ah, nice. Windows, seulement Windows 8 ou... Non, Windows 7 et 8. Et Vista. Dans le fond, les actuels. Ah, je vais peut-être me lancer avec une manette de Xbox pour... parce que là, moi, j'ai une vieille Logitech, puis... C'est pas le best. La manette de 300 marchait déjà, de toute façon. Ouais, mais il n'y a pas de manette de 300. Non, j'ai pas de manette du tout pour ma vieille Logitech, ce que je verrai. Ben, je pourrais peut-être me chercher à 360, puis... Et voilà. Ça va me coûter moins cher, mais je pourrais peut-être me lancer effectivement dans la manette. Oui, mais ça coûte ce que t'es, le D-pad. Ah oui, il va servir beaucoup ce PC. Il y a une meilleure qualité sur la manette de 360, de Xbox One. Ben là. Non. On ne pète pas un anévrisme à propos de ça. On ne fait pas de joke d'anévrisme dans cette émission. Hey, l'inflammation, là, comme toi. Donc, après cette nouvelle... Va me mettre de la crème. Ah, <calme-t-il. rire> Après cette nouvelle, ma foi, des plus flamboyantes, il est temps de passer à la pause musicale de la moitié de l'émission et on va vous envoyer un petit peu de metal dans les oreilles, tiré de l'album Demons and Wizards, en fait, qui est un projet en duo avec des membres du groupe Blind Guardian et Iced Earth. C'est un album qui est sorti dans les années... début des années 2000. Un excellent album. On va vous envoyer... Moi, dans ce temps-là, je dis dans les années quelques. Dans les années quelques. Non, c'est dans les années... au début des années 2000. Quelque part, un moment donné. Ouais. On vous envoie la chanson Fiddler on the Green de Demons and Wizard. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis! That voices that calling our precious girl, she can't be gone. A bit of this morning and daddy's stalling, went out and started a day. Wasn't there a dream last night like a spring never ending? Still the water runs clear through my mind. On the field I can see a fiddler, the fiddler on the green, and the sad boy. I took him to I, would you mind, would you mind, would you mind, if I take you. Clear, the air was clear. A trick of light turned red into green. She saw the eye. Her face was pale, her body smashed, her beauty's gone. Isn't it a sign? The Reaper said. Quite alone here and still waiting for you. Oh, I really didn't fight for the first time, spoke the fiddler, poor old fiddler, the fiddler on the green, the fiddler on the green. It would be nice. We'll be right back. Ici Beta. Hey, wow, ta gueule, c'est moi qui parle en premier habituellement, là. Donc ici Alpha et Beta, vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson de Demons and Wizards, Fiddler on the Green. Et c'est la deuxième heure de Puissance Maximale qui commence, mesdames et messieurs. Hey, j'ai oublié de quoi. Mais ça commence comme ça. On jase de comic book. Puissance Maximale. Et oui, il est temps de parler comic book avec M. Julien Materne. Salut Julien, comment ça va? Ça va bien, un peu fatigué, comme nous tous, j'ai l'impression. Comme nous tous, qui est quand même... Derrière le studio, un vrai dormitoire, là, ouais, non, c'est ça, avec l'inflammation. Puissance Maximale suit assidûment. C'est tout ça le bon terme? Ça dépend la politique. Ça dépend du reste de la campagne politique. Non, c'est ça. On la suit pour pas que vous ayez à la suivre puis pas vous en parler. Mais non, mais il faut qu'on ait des bonnes idées là, pour les prochaines élections. Non, c'est parti, ça. Le parti de puissance maximale. D'ailleurs, qui est ministre des Finances entre nous trois là? T'as pas encore sorti le prochain érection, fait que tout va bien là. Non, c'est ça. Non, ce sera clairement pas moi le ministre des Finances. C'est bon, regardez-moi pas de Non, moi je suis déjà rentré chez vous, tu seras clairement pas le ministre des Finances. Remarque que pour puissance maximale, ça serait peut-être foyers, bon. Tous les foyers vont avoir une vitrine de figurines. Non, c'est ça, c'est Julien, il est ministre du patrimoine. Ah, c'est bon, ah, ça. C'est bon, ça. J'accepte. Ouais, très conservé. Mais justement, ministre de la culture. Parlant de patrimoine, allons vers le patrimoine geek, monsieur Materne. On va parler comic book, et on parlera pas de n'importe quel comic book, on va parler des X-Men. Ouais, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit spécial X-Men, je manquais un peu d'idées, hier, je creusais, je me disais, ah, ça me tente ça pas va de partir. Ça va bien, comment t'as manqué d'idées? Non, mais ça me tentait pas de partir un peu sur n'importe quoi, comme je fais des fois, c'est-à-dire prendre une couple de BD que j'ai bien aimé dernièrement, parfois, je vais suivre une ligne conductrice, faire changement. Là, je cherchais, puis ah, les X-Men, pourquoi pas? Le nouveau film s'en vient prochainement. Ben, effectivement. En plus? Tiré d'une BD que je n'ai pas encore lu. Il paraît que c'est très, très bon. C'est très old school, par contre. OK. Je vais l'aller, je vais en parler au prochain. Ah. C'est bien du old school, une fois dans la table? Bien, oui. C'est patrimoine, puis c'est culturel. C'est ça, mais ça. Ben, c'est ça. On aime ça, le patrimoine. Monsieur, vous êtes choisi pour le ministre. Mais tu sais, je vais vous la lire avant le film, puis vous faire une critique. Ah, ben excellent, on va attendre ça. On attend ça avec impatience. On va un play-by-play ou pire. Ah, ben oui. Pourquoi pas? On ira voir ça, on en reviendra à en parler en même temps. Je vais parler de la série de X-Men que j'ai bien appréciée dernièrement. J'avais bien aimé la série télévisée X-Men des années 90, comme beaucoup de jeunes qui écoutaient la télé anglaise. Malheureusement, ça ne passait pas en français, ou du moins, ai-je tort? Pas à mon souvenir. Internaute, dites-moi que j'ai tort ou raison, attend. Moi, je l'écoute en anglais. T'as tort. J'ai même pas écouté, j'ai ajouté à ton vagin. J'ai tout le temps tort, de toute façon. C'est vrai qu'il y a tort, il y a Hulk aussi, puis... Moi, personnellement, j'avais écouté en anglais, je l'ai vu pas écouté en français. Je me rappelle pas s'il y avait une version en français X-Men, The Animated Series. Oui, il l'avait en français, à Télétoon. Oh, ouais. Damn you, Télétoon. Ah, ben, quel tort. Ah, c'est vrai, t'as raison. Dans les débuts de Télétoon. Mais on parle, je pense... À l'époque où Spawn passait... L'époque, c'est passé de l'animé le samedi soir, puis les dimanches chez Olé, là. Ouais, avec il y avait Wildcats aussi à l'époque. Ouais, puis Highlander, Sakura, chasseuse de cartes. Ouais. Ah, c'est arrivé plus tard ça un peu. Ça a été quand même dans les débuts pareil. Non, ah, t'avais Highlander. C'était pas même il y avait encore X-Men par exemple. T'avais X-Men, Wildcats qui était exécrable, Spawn qui était j'ai encore c'est chez nous qui en tout cas on s'écarte un peu du sujet. On n'a pas le temps. Donc je vais commencer par la première, New X-Men de Grant Morrison, gros série, on parle de trois gros volumes actuellement. Dessin, c'est assez old school. Grant Morrison, qui est un gars qui a beaucoup travaillé pour DC Comics, mais a décidé à un moment donné de se lancer et de faire des X-Men. Pour ceux qui aiment les comparaisons vaseuses, Grant Morrison, c'est un peu, je dirais, pour ceux qui connaissent l'animé, le Hideki Anno américain. Cas, britannique. Je sais pas Il était écossais là comme le bras. Hideki Anno, il est le gars qui est Evangelion, qui est genre le gars que s'il demande de faire une fin différente, va faire un film faire exactement la même fin. Avec un gros middle finger. Ok, c'est bon, j'avais pas fait la liaison que donc, c'était ce gars-là. New X-Men, dans le fond, les X-Men sortent d'une crise X, sont un peu tannés des super-héros, décident d'utiliser leur vraie identité. En gros, de donner plus une équipe d'aide aux mutants qu'une équipe de super-héros, parce que les super-héros, c'est out. C'est out. Grant Morrison, c'est un concept. Grant Morrison, c'est le gars de concept. Se lancent là-dedans, sont attaqués par la sœur du bras gauche de Charles Xavier qui essaie de les détruire. À Grant Morrison, ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là, il faut lire la série au complet, sinon vous allez être perdu complètement, parce qu'il y a tellement de concepts qui partent à gauche, à droite, que ça va juste se relier à la fin pour faire « Vous êtes donc niaiseux, vous n'avez pas compris ça. » Je volerais pas le punch de la série, mais le punch pendant deux punch, pages. Pendant deux pages, je dis « Ah, Charles Xavier, tu aurais dû savoir que c'était telle affaire parce que tous les indices depuis trois livres pointaient vers ça, mais tu l'as pas vu. » Puis quand il parle, tu vois le personnage pointer la case vers le lecteur pour okay. dire « C'est toi, le lecteur niaiseux, là. Toi, tu l'as pas vu, là. » C'était écoute, pourtant évident. Moi, je regarde ça rapidement, je l'ai entre les mains, là. Moi, il y a le character design, je traite moins un peu. C'est ça, il est un peu old school. Ouais. J'ai vu des trucs old school. Moi, je peux pas me prononcer, je le vois pas. C'est sûr que c'est pas aussi accessible que les autres X-Men. Comme dit Grant Morrison, c'est un gars qui fait des séries de longue haleine, fait qu'il faut être prêt à lire trois briques avant de finir la série. C'est très, très cérébral. Donc, faut pas s'attendre à tout comprendre. Faut s'attendre à être perdu, a dit Grant Morrison. Très bonne série de X-Men pour quelqu'un qui veut, genre, s'asseoir avec une carafe de café puis dire « Je veux voir où c'est que ça mène, cette histoire-là. » C'est une bonne lecture, mais aussi un bon travail de caboche. C'est ça. Si tu fais ton Sherlock Holmes, là, c'est pas mal dans le... Là, tu m'avais une version reliée. Ouais, version reliée en trois volumes. En trois volumes, OK. Donc, après ça, on va partir à quelque chose qui est un peu plus, un peu moins cérébral, mais tout, beaucoup plus divertissant, beaucoup plus léger. Astonishing X-Men, de la run de Whedon et Cassidy. Whedon, qui est le réalisateur de X-Men, et aussi réalisateur de Buffy, de Vampire Slayer. Slayer, excusez-moi, mon anglais dérape! Slayer! J'ai fait de l'inflammation, ma foi! Non, t'as fait du français. Je ne vois pas de quoi vous pouvez parler, monsieur. Resident Evil. Evil! The Resident Evil. C'est quoi l'autre terme? La Game Gear. La ouais. Game Gear. Donc, Astonishing X-Men, dans le fond, après All New X-Men, est un super-héros, ce n'est plus out. Donc, les X-Men décident de redevenir une équipe de super-héros. Okay, sous Beast, ça ressemble vraiment à un gros chat. Là. Oui. Attends un peu, t'as pas vu à la cause, il fait « Ah oui! » Les amateurs de Grumpy Cat seront servis. Oh yeah! Sous l'impulsion de Cyclope, dans le fond, parce qu'il a tassé un peu Xavier en tant que chef des X-Men, Xavier, en fait, j'ai pas lu vraiment l'histoire entre les deux, et en fait une passe-croche que Cyclope a plus ou moins accepté, le tasse, il décide qu'il est le leader, plus que le leader de militaire des X-Men, deviendra le leader de tous les jours des X-Men, puis décide que pour racheter les mutants aux yeux du public, il faut être des héros. Donc, il faut faire comme les Avengers, puis sauver le monde. Montre une équipe la plus de mutants qui ont le plus haut gros profil possible. Il va chez Mofrost, va chez des gros noms de la communauté super-héros. Wolverine, c'est un given. Et des personnages qui ont des pouvoirs un peu moins offensifs, comme Shadow Cat, okay. Qui sont pouvoir être passés à travers les murs, dans le fond. Puis à partir de là, décide, comme dit, de repartir une équipe de super-héros vraiment à l'ancienne. Bon, ce qui est drôle à Whedon, c'est qu'on a vu son humour dans Avengers, il y a plein de petites pointes, comme par exemple, dans un moment donné, t'as les gars qui sont en train de battre contre les Sentinelles, Emma Frost, qui est une télépathe, fait « Je me demande à quoi les X-Men pensent pendant qu'ils sauvent le monde, t'as Cyclope, comme genre « Je dois sauver le monde et prouver que les mutants sont cool, t'as Colosse qui est genre « Ah, t'as peur, si je fais telle affaire, je vais me faire scraper, fait qu'il faut savoir, t'as Wolverine qui pense « J'ai le goût d'une bière, sans que je boirais une bière là. » Pourquoi mais, pas? Dit, Emma Frost, « Wolverine, ça va-tu? T'es-tu une bière? » C'est le genre du mot qu'on voit dans cette BD-là. Ah, ça. Astonishing X-Men, ça dure très longtemps. C'est une série qui a runné longtemps, mais la run de Whedon en tant que telle a duré 4 volumes environ. Okay. Arrête de dire Whedon. C'est Whedon, excusez. Whedon. Je le franchise aussi. Désolé. Whedon. Tu le francisises. Tu le débaptises. Carrément, c'est Whedon son nom. Ben oui, je sais. Désolé, c'est ça que je disais. Bon. Tu l'inflammatises. Je l'inflammatise. Je vais mettre de la crème dessus, ça va bien aller. Ah non, mais fermez vos boîtes. Oui, qu'est-ce que tu disais donc? Donc, très intéressant. Ouais, un peu plus. J'aime plus le dessin de celui-là. Un peu plus accessible, surtout beaucoup plus divertissant. Je pourrais me prononcer quand tu vas me l'emmener. Pas nécessairement besoin de réfléchir avec celui-là. On lit puis on s'amuse. C'est vraiment une run le fun à lire. Et crème, moi, je vois ce que tu veux dire par. C'est bourré d'action. Fan de Grumpy Cat. Beast, il ressemble tout plein à un chat. Et surtout qu'il y a vraiment une face de Grumpy. Ah ouais, il est pas content. Et donc. Après ça, on va aller vers un personnage solo, Wolverine Origin. qui est un peu un classique du genre, fait par Jenkins Ivanov. On suit, dans le fond, les origines de Wolverine. Et c'est meilleur que le film. Ouais, mais ça, je, oui, ils se sont-tu basés sur cette BD-là? Vaguement. Parce que là... Parce que dans le fond, cette BD-là se passe dans les années 1800. On sait qu'on suit trois enfants. Ça commence, on suit trois enfants. Là-dedans, il y en a un de la ligne qui est Wolverine. Devine lequel. Il y a deux gars. Qui a tué des gens? Pas nécessairement. Avec ses yeux? C'est un des punchs du fait. C'est un des punchs... Non. T'es magnéseux. Ben non, mais je faisais juste comme si je connaissais pas mes X-Men, puis je disais c'était cycle-là. Ferme ton micro, là. Do not disappoint me again. Ferme ton micro, les adultes parlent. Mais oui, continue. Donc, on suit trois enfants. Dans le fond, on se rend compte qu'il y a une histoire de triangle amoureux aussi entre les parents, parce qu'il y a les parents de la famille noble et riche qui a la famille qui est servie par une famille autre qui habite dans un cabanon. Les enfants se mélangent, jouent ensemble. Ben oui. On apprend finalement qu'ils sont tous frères parce qu'ils sont tous les fils du jardinier. Okay. Les enfants du jardinier. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis on voit deux petits gars là-dedans. Puis tout le long, on pense que le fils du jardinier est Wolverine. Mais non, c'est le petit gars pincé, malade, ultra... perpétuellement malade, allergique à tout. Le petit bonhomme fragile. Fragile qui, à un moment donné, développe son pouvoir de mutant puis devient le... Il est Wolverine. C'est trop tard pour mettre un spoiler alert, là. Ouais, mais de toute façon, c'est comme le punch du tiers du livre. C'est pas trop grave. Ce qui suit après, c'est comment il devient Wolverine. En quoi il devient à devenir une espèce d'être qui haït tout le monde, qui est un ultra-loner. Un misanthrope. Qui fume des cigares, qui boit de la bière, puis qui s'en fout. C'est alors qu'il testostérone. C'est alors qu'il était parti d'un petit gars vraiment fragile, super bien éduqué, de haute famille. Ah, c'est bon, mais j'aime beaucoup, je regarde le dessin, c'est plus cru en tout cas. Ça se passe autres. Dans le fond, toute son enfance, jusqu'à quand qu'il décide de partir au Japon. Là, il y a le Wolverine Origin 2 qui va sortir, qui est pour y raconter son histoire de là jusqu'à la fin, jusqu'à quand qu'il devienne Weapon X. Parce que moi, ça fait tant qu'à écouter le Christy de film vraiment, mais vraiment mauvais. Où c'est qu'il te massacre Deadpool d'un bord à l'autre. Mais pourquoi ça a juste le titre? Dans le fond, ils ont vu la BD, ils ont fait Origin. C'est d'un ridicule consommé, ce film-là. Sans face, moi, je viens de regarder là, vraiment les pages, le dessin. Là. Allez vous chercher ça si le personnage de Wolverine vous intéresse ça vraiment. Ça se tient, parce qu'en plus, l'histoire de secret de famille, tu te rends compte que Wolverine n'est pas nécessairement le seul de sa famille qui a eu ce problème-là, entre guillemets. Mais en fait, je sais que dans certaines versions des X-Men, il parlait qu'il y a Sabretooth qui avait un lien de famille avec lui. C'est pas confirmé dans Origin, mais c'est sous-entendu beaucoup. C'était son papa, je pense, c'était son père? Non, ce serait son frère. Son frère, ok. Comme dit, vu que Weapon X a vraiment scrappé sa mémoire, apparemment que dernièrement, il l'a retrouvé, c'est tel que tel. Mais je veux dire... après les événements de House of M, qui est un événement d'un X-Men là, qui s'est passé là 4-5 ans. Là. Mais c'est pas clair. Là. Okay. Il y a bien des affaires dans l'histoire de Wolverine qui n'est pas claire. Il y a environ 200 ans, si on le sait. Bon, mais non, sans faire ça, allez-vous chercher ça. Wolverine Origin chez Marvel, si ça vous intéresse de connaître justement les origines de ce personnage-là. Sinon, on continue avec Wolverine. Encore une fois, avec Origins, avec un S, ce coup-là, qui est une série qui a suivi, qui là raconte, dans le fond, Wolverine vient de revoir ses souvenirs d'avant Weapon X, puis il est en maudit. Il essaie d'enquêter sur pourquoi il a été choisi, il se rend compte qu'il y a possiblement une famille, c'est-à-dire qu'il y a eu des enfants, que c'est quelque chose qui s'est passé avant Weapon X. Dans le fond, il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi. Mais le gouvernement américain fait non, le gros. Fait que Wolverine, pendant un certain temps, devient l'homme le plus recherché parce que tu veux pas qu'il ait trouvé les secrets canadiens-américains parce qu'il veut pas. Oui, Weapon X, c'est une expérience canadienne mais financée par le CIA et compagnie. Tu te rends compte aussi que Wolverine a toujours été un assassin pour le gouvernement, ou du moins depuis très longtemps, bien avant Weapon X, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale avec Captain America, qui a. Plein de choses, hein, que les deux ne se souviennent pas parce que les deux ont été brainwashés à fond, Léon. Que Bucky sert à quoi aussi? Le sidekick de Captain America servait à quoi? C'est fait par Way, qui est aussi l'auteur de Deadpool, là, qui est avant la dernière mouture. OK. Fait qu'il y a un petit moment humoristique. Des apparitions de Deadpool aussi, qui sont dans un certain volume, qui sont vraiment intéressantes sous le fait que tu vois que les deux s'entendent bien, mais... Quand même. Je vois même des Captain America qui... Quand même, en jeu sincère contre Wolverine. Qui se bat contre Wolverine, j'imagine, dans toute cette histoire de il est recherché. Ouais, c'est ça. Mais j'avoue que ça serait, d'après ce que tu me comptes, ça serait une belle complémentarité avec Origin. Parce que ça explique tout. Dans le fond, Origin, ça explique son. Sa genèse, dans le fond. Ouais. Puis Origins, avec un S, mentionnons. Ça vient remplir les gaps. Ça vient remplir les gaps de Weapon X. Où c'est que tu te rends compte que, dans le fond, ça fait longtemps qu'il était dans le business de faire des affaires pas le fun à du monde. Non, ça, il y a bien du monde qui aime beaucoup Wolverine à cause de son caractère. Puis, tu sais, ses powers seront cool. Mais ça reste que c'est une char. Oui, comme dit, I'm good at what I'm doing, but what I'm doing isn't really nice. Non, c'est ça. Ce que je fais, c'est pas super gentil. Donc, ça, on rentre dans cet univers-là avec ces deux BD-là. Sinon, un autre titre d'X-Men. Oui. X-Force. On concerne Wolverine dans ce qu'il fait de mieux. X-Force, dans le fond, c'est un peu le pendant Black Ops des X-Men. Si les X-Men ne peuvent pas le faire en tuant personne, ben t'envoies X-Force. Ah ouais? Dans le fond, je connaissais même pas ça. X-Force, c'est dans ce mouture-là, on parle de celle de Carl Yost et Crane, qui est aussi que Wolverine réunit l'équipe sous l'ordre de Cyclope qui dit « Gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des X-Force parce qu'on n'a pas eu à le faire, mais maintenant on a tellement... » Ça flash tellement, la couverture. On a tellement d'ennemis dangereux qu'on peut pas battre juste en étant des bons super-héros. Je veux que tu repartes un autre X-Force, puis que personne ne le sache à part toi puis moi. C'est marqué en arrière « Extreme times call for extreme measures ». C'est donc, comme... les temps extrêmes appellent des mesures extrêmes. Ce gars-là veut tuer des mutants. On peut pas vraiment l'arrêter parce que légalement, il est sur une île déserte à je sais pas où c'est que c'est légal de faire ça. Ben, va t'en occuper. Fait qu'il prend avec lui... Les dessins sont très réalistes. Oui, c'est un gars qui fait des cartes Magic aussi, qui fait ça aussi, les dessins. Une petite série, je suis en 4-5 volumes, très solide. Très, très violente. Tu vois le voir la face à Mike. Ça y va. Parce que t'as Wolverine, t'as Warpath, t'as X-23, tous les X-Men qui sont plus ou moins gentils. On va dire chaotique neutre. Ouais, qui se mettent ensemble pour régler des problèmes. les problèmes qu'on veut pas trop qu'on se rend compte ailleurs. Moi, je vais vous dire, dans tout ce que tu nous as proposé pour le moment, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ah, c'est très, très mature. Je recommande pas ça déjà. Il y a un petit palanque sorti, Mike, quand il a dit ça. Là, combien de volumes pour celui-là? 4 ou 5 volumes, puis dans deux, il s'est complété par 2 events, dont Necrocha, et c'était Meshia War, qui était pas mal la fin de cette série-là. Puis t'as aussi un side story qui est Sex and Violence. Moi qui voulais peut-être me relancer dans le comic book avec les X-Men, je pense que j'ai trouvé de quoi. Ah ouais, puis X-Force, ça continue. Il y a une nouvelle série qui roule ces temps-ci. Où est-ce que t'as vraiment. Wolverine est plus sanctionné, il part une autre équipe, mais ça, c'est avant le Marvel Now, là, que j'ai pas encore lu. Avec des X-Men qui sont juste des tueurs. Là. C'est comme naturellement, t'es un tueur, t'es dans les X-Force, on va s'amuser à tuer des affaires parce que faut qu'on sorte notre colère quelque part. Ah, toi aussi? Ben là, je viens de voir Wolverine là, avec les yeux rouges, les lames pleines de sang, puis il y a de la veine là-dedans, mes amis. Ah, ça flash, hein? Non, ça flash. Pour les amateurs du côté plus adulte, justement, du comic book, là, X-Force, allez-vous chercher ça. Ah, c'est vraiment solide. Et pour ton dernier, ta dernière suggestion? Un dernier, je peux pas dire que ça a été mon préféré. Okay. Je pense à un incontournable sur le fait que ça a remis les X-Men sur la carte. C'est Avengers vs. X-Men, c'est un événement qui a eu l'an passé. Où c'est que le Phoenix revenait parce qu'on sait que quand Marvel est dans le schnout, qu'est-ce qu'on fait pour resetter l'univers, contrairement à DC qui va juste faire, on fait un reboot, on fait genre le Flash a foqué le chien. Ouais, le Flash a foqué le chien, il est remonté dans le temps, puis ça scrape toute la timeline, puis le timeline s'est rendu ça. Mais eux autres, c'était comme, on a foqué le chien, sortez le Phoenix, reset. Fait que le Phoenix revient, qui est le Phoenix, en fond, qui est l'espèce d'entité cosmique qui peut refaire renaître l'univers ou le détruire. Les Avengers sont pas trop sûrs que c'est une bonne idée de le laisser revenir, mais les mutants qui sont sur le bord de l'extinction font c'est peut-être notre seule chance de pas disparaître. Ce qui fait, c'est que ça a fini par faire un clash entre les X-Men et les Avengers, et avec ceux qui sont en milieu, parce que t'as Wolverine qui est un X-Men et un Avenger, fait qu'il sait plus trop quoi faire. Excusez-moi. Donc, ça a remis un peu les X-Men sur la carte, parce qu'on a commencé avec Schisme aussi, que les X-Men avaient divisé l'équipe en deux, l'équipe à Wolverine, l'équipe à Cyclope, parce qu'ils ne s'entendaient pas sur la façon de gérer les choses. Bizarrement, Cyclope ayant décidé de prendre le bord de Magneto, et Wolverine a décidé de prendre le bord de Xavier, d'être un pacifiste. Je comprends pas plus que vous, non, mais... c'est ça, mais c'est le principe qu'il ne voulait pas que les enfants mutants aient à subir ce que lui a subi. Ce qui est tout à fait normal pour un ancien soldat post-traumatique. Ouais, non, mettons. C'est ça. Dans cette logique-là. Ça mais va. Que Cyclope se joigne à Magneto, ça, c'était autre chose. Mais ça pour dire que ça mène à ça. Les X-Men avaient comme été un peu mis de côté par Marvel. C'est un peu l'univers à part, qui était géré à part, puis faisait toute affaire dans son petit coin, puis qui touchait pas vraiment l'univers Marvel en globalement. Avec Avengers et X-Men, même si je trouve l'histoire très boboche, parce que dans le fond, c'est un gros... On fait un reset, les gars, on n'est plus qu'à de rien faire. Reset, Phoenix, that's it. Il y a juste Deadpool, on dirait, qui n'est pas affecté là-dedans. Non, Deadpool, non, il est trop cinglé pour être affecté par quoi que ce soit, de toute façon. Lui, il fait « Phoenix ». C'est ça, c'est comme « Mais ». Mais de toute façon, comme je dis, ça fait revenir les X-Men sur la map du reste de l'univers Marvel, parce qu'ils se ramassent à se battre contre les Avengers pour savoir qui va détruire ou sauver le Phoenix pour son propre besoin. Évidemment, comme je dis, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mmh. Le fait que les X-Men défendent le Phoenix fait que ça chie dans la peine à un certain moment, puis on, je dirais pour le reste de l'histoire, disons, vous avez, ça amène au statu quo actuel de Marvel, où c'est que les X-Men sont rendus beaucoup plus intégrés et beaucoup plus importants dans l'univers de Marvel. Donc, allez pour les complétionnistes qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé entre deux époques de Marvel, où c'est que les X-Men étaient comme un peu à part, et maintenant, beaucoup plus globalement dans l'univers Marvel en tant que tel. Assez intéressant pour les premiers coups, une fin très, très, bon, je dirais... Un peu garoché. Un peu garoché, ouais. C'est ça. C'est comme, bon, ben, c'est ça, Phoenix. Reset, c'est beau, tout est correct, guys. Les dessins, c'est un dessin quand même assez classique, mais efficace, ouais, là, pas trop old school. Là. Ben, ça, quand ils disent, c'est Marvel, genre, qu'ils font un événement, ils essaient de tirer le design, plus large possible. Dans le design classique c'est de leur ça. Personnage. On tire le plus large possible pour attirer le plus de monde possible. De toute façon, avec le titre, c'est assez clair. Avenger vs X-Men, ça va vendre. C'est clair. C'était pas mal le but de l'opération, ça, puis semi-resetter l'univers de Marvel. Avec le Marvel Now, puis on dit ça, on a le Marvel Now. Ça, je le comprends pas. Maintenant. Ouais, c'est ça, c'était pas maintenant là, c'est maintenant là. Mais c'est pas vraiment un reboot, mais c'est un reboot. Fait qu'on met toutes les séries à un, mais on les met. Bref, c'est dur à suivre. C'est ça, c'est du Marvel. Bref, parlez à votre expert en BD, en comic book, quand vous allez en magasin. Allez au premier issue, premièrement, puis parlez aux gens là-bas, ils vont pouvoir vous aider à vous démêler un peu là-dedans. Sinon, j'ai deux autres titres justement plus récents, oui. Du Marvel Now. On New X-Men, intéressant, c'est tout nouveau. Ben, c'est tout nouveau, ça fait quelques mois que ça sort, j'ai presque un an. On New X-Men, ce qui est drôle, c'est que vu que Cyclope a perdu les pédales et est rendu avec la gang de Magneto, ben, Beast, ça trouve que c'est une bonne idée d'aller chercher son l'ancien Cyclope dans le passé, de le ramener dans le futur pour confronter sa version plus vieille de lui et dire « t'es pas correct, man ». Ben, ça marche pas. Ce que ça fait, c'est amener les vieux X-Men dans le présent actuel. Donc, t'as une gang de jeunes de 15 ans avec des super-pouvoirs qui sont pas dans l'univers où c'est que t'as eu la guerre civile des super-héros, Avengers vs X-Men, un siège d'Asgard, et en plus une invasion extraterrestre. Ça va bien. Ça a piqué le 3/4 des mutants n'existent plus à cause de Scarlet Witch. Ça va bien. Ça va super bien, tu sais. Puis ils se ramassent, tu sais, du monde qui n'ont jamais rencontré Wolverine, parce qu'au début, ils étaient genre les 5 originaux, donc ils étaient 5 à l'école. Puis ils n'ont jamais rencontré Wolverine, ils n'ont jamais rencontré Colossus, ils n'ont jamais... Personne, ils connaissent personne, fait que c'est vraiment... Puis Beast, il se ressemble plus pantoute. Fait que lui, tu vois le Beast de 15 ans qui a aucun poil, qui ressemble à peu près, qui est à peu près humain, qui soit en gros minou. Ça marche comme pas. Donc on a... C'est très intéressant comme titre, parce que ça met en perspective ce que... Comme je dis, quasiment 10 à 15 ans de Marvel, là, mais au moins depuis les années 80, ce qui s'est passé dans le statu quo. Fait que c'est assez drôle parce que c'est des références justement au statu quo ou des gags sur comme c'est qui ce gars-là quand tu vois Deadpool arriver. Parce qu'il peut pas le savoir, il avait 15 ans, puis dans ce temps-là, il était pas là. L'autre série, c'est X-Men tout simplement. Puis je trouve que le titre est un peu mal choisi parce que oui, c'est une série de X-Men, mais c'est juste les filles du groupe. OK. Donc. Ça a été X-Girl. Ouais, ça aurait pu, mais c'est parce que je pense que l'impact qu'il voulait, c'est prouver un point qui n'était pas misogyne chez Marvel. Ah, ouais. C'est-à-dire que le team... Mais l'histoire est quand même très intéressante. Il ramasse Storm, t'as Psylocke, Jubilee, toutes les filles Rogue. Les plus classiques. Rogue est là. Les filles qui sont plus les plus classiques dans la série, dans tout ce qui a été fait comme X-Men. Puis on fait une équipe avec. Ils s'entendent pas nécessairement bien, mais t'as quelque chose d'intéressant avec une équipe de filles, puis ils n'ont pas besoin genre, de Wolverine pour leur sauver le derrière. Fait que c'est assez intéressant ça. Puis l'histoire est quand même assez intéressante. Aussi, qui court après le technovirus ces temps-ci. Fait que ça rejoint un peu le monde qui aime beaucoup Iron Man. C'est le même genre d'intrigue en ce moment. Ouais, puis il y a même une pub d'Iron Man à la... en arrière de la auto-promotion de Marvel. Non, c'est pas ça. Nouveau les pubs dans les comic books. Non, c'est ça. Oui, mais là, c'est une série de jouets. On peut monter son propre Iron Man en pièce détachée. C'est écoute. Malade, hein? Ça m'en prend 10. C'est fou, Red. Merci. Oui, vas-y. Je peux me permettre, c'est ça. Non. Si je peux faire une petite recommandation pour le public féminin qui tripe sur les X-Men, je vous recommande les graphic novels de Mystique. Vraiment, ils sont très bien faits aussi. Bon, mais merci beaucoup de ton petit grain de sel, Marc-Camille. Donc, c'est graphic novel de Mystique. Moi, je vais faire une parenthèse aussi rapidement. Oui. T'as de l'air découragé. Mais go, vas-y. Mais Julien, t'avais-tu fait un spécial Deadpool à l'émission? Il semble que non. Je n'avais parlé, mais je n'en avais pas vraiment fait. serais-tu capable de faire un spécial Deadpool? Il y en a-tu assez de stock? Ben ouais, ben, les classiques, il y a les assez de stock? Il y a assez de folie pour tout le monde. Parce que moi, j'aurais une demande spéciale pour le mois d'avril. Tu veux du Deadpool? Je veux du Deadpool. Ben, tu auras du Deadpool. Oh, bon, ben, préparez-vous, mesdames et messieurs, pour la chronique de Julien au mois d'avril. Ça sera un spécial Deadpool! Et ben merci beaucoup, Julien, d'être passé à l'émission pour nous parler X-Men. Et ben réécouter l'émission tout plein pour pouvoir rattraper tous ces titres qui étaient nombreux. Donc, X-Men All the Way. Et moi, mon préféré, c'était X-Force. Allez vous chercher ça. Ça a de l'air violent. Ça a l'air malade. T'es là-dessus tout? Presque, ouais. Ça... Qu'est-ce que t'attends? Donc, t'as-tu 30 pièces pour le recueil de Michelle War? Mike, là. Donc, mesdames et messieurs, il est temps de partir en musique et on s'en va en rétro, cette fois-ci, avec la chanson thème de l'émission Inspecteur Gadget. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Et là qui va là? Inspecteur Gadget. Et là ça va pas? Ouh, ouh. Oh là, je suis là! Ça va être la joie. Au nom de la loi, moi je vous arrête. Je vous arrête là. Go, go. Gadget à main. Yes. Gadget au chapeau. Hello. Gadget au poing. Hola. Élastique au gadget. Les bandits sont là. Inspecteur Gadget. Ils n'échappent pas. Si l'inspecteur fait gaffe, fait gaffe au gadget. Qui marche ou marche pas. Du pupatatrac, Inspecteur Gadget. Là le chef qui est là. Ouh, ouh. Salut chef, c'est moi. Inspecteur Gadget. Ça n'en finit pas. Et là qui va là? Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Ouh, ouh. Oh là je suis là. Inspecteur Gadget. Oh là, oh la loi. Go, go. Gadget à main. Yo-ho. Gadget au chapeau. Go, go. Gadget au poing. Au gadget, et puis pas t'attraque. Inspecteur Gadget. V'là le chef qui est là. Ouh, ouh. Salut chef, c'est moi. Inspecteur Gadget. Ça n'en finit pas. Go, go. Gadget à main. Yo-ho. Gadget au chapeau. Go, go. Gadget au poing. Qui c'est? Gadget. Et là qui va là? Inspecteur Gadget. Et là ça va pas? Ouh, ouh. Oh là je suis là! Inspecteur Gadget. Oh là, oh la loi! C'est moi que voilà! Inspecteur Gadget. Ah ça va être la joie! Ouh, ouh. Au nom de la loi! Inspecteur Gadget. Je vous arrête là! This is Billy from the Game Chasers, and you're listening to Puissance Maximale. That's just the way game chasing go. Et oui, mesdames et messieurs, de retour à Puissance Maximale après du rétro avec l'inspecteur Gadget. Là, il y a Julien qui emballe ses BD dans le micro. C'est très plaisant. C'est la même affaire tantôt quand t'es à déballer, tu sauras. Non, pas en tout. Ça, c'est le son d'une BD. Bien entretenu. Et voilà. Et là, mesdames et messieurs, il est temps de passer à d'autres nouvelles ludiques. Premièrement, une nouvelle, ma foi, qui pourrait en attrister quelques-uns. Koji Igarashi. T'as volé une de mes nouvelles. Quitte Konami, mesdames et messieurs, connu entre autres pour avoir officié en tant que producteur de la série Castlevania depuis 1997 quand même. Monsieur Igarashi, alias Iga, vient d'annoncer qu'il quitte l'éditeur afin de créer son propre studio. Le dernier Castlevania auquel Igarashi a pris part est Harmony of Despair en 2010. Le producteur annonce qu'il compte développer des jeux plus proches de ceux qu'il produisait auparavant. Reste à savoir de quelle période il parle précisément. Ben, en fait, tu dis une triste nouvelle, mais on dirait que les gros producteurs de jeux, ils sont comme rendus à un stade où ils font « Bon ben, je peux pas faire valoir mes points, je suis pas capable d'être créatif comme je le voudrais. Ciao, bye! » Puis ils font, on fait notre propre studio. Master, c'est à la portée, pas mais, de tous. Mais regarde, mais... veux-tu un exemple? Ben vas-y. Toby Gard, le créateur de Tomb Raider, a lancé son nouveau studio dernièrement. Ten Gentlemen. Ben, c'était bien dit, ça. Ben, je présume que c'est de même, ça se dit. The Ten Gentlemen. The Ten Gentlemen. Ben, c'est à cause que c'est une genre de face de... Leur logo, il est bizarre. Ben, je sais pas si t'as la nouvelle, là, Mike. Là. Non, tu peux me l'envoyer que je te... Il y a pas le visuel à la radio, Andrew. Que je te commande ça, là. Mais, non, mais c'est une tendance. Puis on voit des nouvelles comme ça tous les mois, en fait. De gros producteurs qui travaillent pour des studios qui décident de quitter. C'est des nouvelles de moins en moins surprenantes, en fait. Puis dans le fond... OK, ouais. Tank Gentleman, c'est comme une vieille photo style victorienne. On a comme un monsieur en complet, mais à tête, il y a une tête de poule à la place. C'est pas une poule. Ben, d'un volatile... c'est plus une face... Et calvasse. Ouais, effectivement, c'est dur à décrire. On va dire une tête de rapace avec plus de chair qu'il devrait en avoir. On va dire ça comme ça. Ah, je vais vous mettre ça sur le site, directement sur la page Facebook de Puissance Maximale. Vous pourrez en juger par vous-même, mesdames et messieurs. C'est bizarre. Mais puis, dans le fond, son studio, juste pour donner une idée là, de qui a ramassé, parce que, mesdames et messieurs... Il n'est pas tout seul. C'est un beau coup de filet que fait notre cher ami Gart pour son studio. Il a ramassé Rick Smith, qui est le directeur artistique du dernier jeu Yaiba Ninja Gaiden Z. Il a ramassé John Garcia Shelton, le producteur du même jeu. Curry Davis, qui est le lead designer du fameux jeu. Et des développeurs ayant également bossé sur des épisodes de Call of Duty, les premiers Medal of Honor. Parce que moi, quand je joue à Call of Duty, c'est vrai que je buzz un peu. Je fais pas encore la même affaire. Non, mais sur des épisodes de Call of Duty. Genre des skins des guns, au moins. Là. Ils ont mis un chien. Il y a un chien, man. Mais bref. À la place des drones, tu vois. Mais, par exemple, c'est les développeurs qui ont travaillé sur Call of Duty et les premiers Medal of Honor. Donc, dans le fond, avant que Medal of Honor devienne crappy. Donc, c'est tout du monde qui sont lassés des grosses productions, puis on a décidé de faire, ben, regarde, on va se réunir dans un garage, puis on va faire des jeux indépendants. Fait que c'est ça qu'ils vont faire, et le premier jeu qu'ils vont travailler dessus, il va s'appeler Daedalus, puis ça va être un genre de jeu offrant une expérience de délire existentiel, surréaliste et horrifique. Moi, j'aime ça, des jeux qui sont décrits comme ça, tu vas être d'accord, ça veut absolument rien dire. Bref, on verra bien. Bref, un délire de drogue. Et de là, c'est ça, le buzzer. As-tu déjà joué un jeu indépendant, ça a poudre? Ben, joue à ce jeu-là. Ah, les anticipateurs, leur super succès qui a joué un peu trop depuis les deux derniers étés. Ça a poudre. T'as-tu déjà annoncé Puissance Maximale? Ça a poudre. Non, moi, cette tune-là, quand elle me rentre dans la tête, ben la misère à m'en sortir. Merci beaucoup, M. Castegan, pour cette nouvelle. Autre nouvelle, l'hôtel des ventes de Diablo 3 tire sa révérence. Ouais, ça a déjà fait le tour, c'est pas une grosse nouvelle, parce que Diablo, c'est crappy. Non, ça, on le sait. Le 3. Comme promis, dès le mois de septembre, donc c'était premier mois de septembre, le très polémique hôtel des ventes de Diablo 3 a fermé ses portes, donc hier matin. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est... la fonctionnalité qui permettait de s'équiper ou de s'enrichir contre de la monnaie virtuelle ou réelle qui avait fait couler beaucoup d'encre. En pratique, il n'est plus possible de mettre des objets aux enchères. Toutefois, les items déjà en vente sont remis aux joueurs ayant effectué la dernière meilleure offre ou seront restitués à leur propriétaire. Donc, il en va de même pour l'or. La date butoir pour s'assurer d'avoir récupéré ses biens et son argent est fixée au 24 juin. Donc, ça, on est allé un niveau là au-dessus dans les microtransactions dans les jeux. Puis, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc, on a retiré ça du côté de Diablo 3. Bon, c'était pas intéressant. Puis, en plus, le jeu ne l'est pas non plus. Donc, arrêtez là, cette histoire-là. Il n'y a pas une expansion qui s'en vient en plus? Ouais. Tu vois qu'on est enthousiaste là. On a hâte de... Non, mais c'est drôle parce que... J'ai pu voir, dans le fond, là, live, le phénomène du cultisme Blizzard. Là. On s'entend, là, Diablo 3, là, le monde a joué. Tout le monde qui a joué à Diablo, il y a eu des arguments différents. Soit Arc, le graphique sont vraiment pas de bon sens. Ou encore, ouais, ben, tu sais, c'est Diablo 2, c'était des grandes maps, c'était le fun, ça, t'arrives dans Diablo 3, très linéaire, très petit, tout le kit. Ça, c'est mon scénario à moi, où quand j'ai joué, j'ai fait, moi. on est loin d'un Diablo 2, là, pour toute l'attente, là. Ben, t'sais, ça a été ma réaction. Et là, ils ont sorti une mise à jour où ils ont rebalancé le jeu, là, t'sais, pour les drops pis des affaires de même, là. Pis là, le monde sont tous comme, ah, là, le jeu, il est cool. Non, non, hey, là. C'est comme, attends, là. Qu'est-ce qui m'a déplu dans le jeu, c'est que l'histoire est pas si longue que ça, est pas si haute que ça, et les maps sont vraiment petites et linéaires. Et là, tu me dis, parce qu'ils ont fait un rebalancement des règles, maintenant le jeu est devenu extraordinaire et génial, et tu as acheté d'autres expansions. Fuck you, t'es pas mieux qu'un fan d'Apple qui font juste rajouter un lecteur d'empreintes digitales que ça prend une patte de chat pour le débarrer. Puis que tu fais comme, c'est le meilleur téléphone au monde, il plante jamais. S'il plante, c'est que tu comprends pas comment qu'il marche. Oui, ça c'est un fait vécu en passant. By the way, bon, excusez-moi. Ah, Andrew, et sa haine contre les Apple. Non. Mais effectivement. J'ai une haine contre le cultisme envers Apple. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Et la même chose pour, effectivement, pour Blizzard. Tu sais, c'est comme, téléphone intelligent, là, c'est pas juste de iPhone, là. OK? Arrêtez. Non, là. Non. Moi, là, ça me fend, là, quand le monde dit, moi, j'ai un téléphone intelligent. Ah, t'as quoi? Un iPhone. Toi, c'est quoi que t'as? Mais moi, j'ai un téléphone Galaxy. Ah, un Android. Non! C'est un téléphone intelligent aussi. C'est pas parce que c'est un Android que c'est une catégorie à part. Ben, c'est pas la même chose, effectivement. Il va y noter que j'ai levé le petit doigt quand j'ai parlé. En tant que fan de iPhone. Ça serait fait de parler de snobisme présentement, Andrew. Ben, que veux-tu, ils ont rebalancé le jeu de Diablo. C'est tellement un bon jeu maintenant. Ça a changé la mécanique de jeu, mais c'est tellement rendu bon. Non, c'est ça, non, ils ont changé la mécanique. Ils ont juste rien changé au niveau du jeu. Moi, le problème, c'était pas la mécanique, c'était le jeu, je trouvais pas bon. Ah, mais ça, je pense que tu peux en faire ton deuil, malgré les patchs et les patchs qu'ils peuvent y mettre. Je pense mais là, le pire de ça, c'est qu'après l'expansion du Diablo 3, ils vont faire quoi, là? Tu vas te clasher contre la mort. Ben, on va attendre 10 ans pour avoir Diablo 4. Ils vont mettre la mort dans une petite roche qu'ils vont sacrer dans le fond de quelqu'un. Puis là, dans 10-15 ans, après avoir dit que ça sort l'an prochain pendant 10-15 ans, ben, tu vas avoir Diablo 4. Ouais, qui va avoir les graphiques qu'il aurait dû avoir puis là, aujourd'hui. Finalement, les maps, finalement, les maps, ça va être des corridors. aussi. Pourquoi pas? Écoute. T'es comme Final 13. Oh! Et non. Pourquoi pas rajouter des pandas? Ben oui. Ils veulent pandas. Non, mais le pire dans ça, c'est que Diablo 4 va sortir, puis ils vont annoncer encore la dernière expansion de World of Warcraft. Imaginez une staff meeting de Blizzard. Hey, les gars, on a vraiment une baisse de population, ces serveurs, faut faire de quoi? Des pandas, man. Eh oui, des pandas, ça va être malade. Ben, ils existaient avant, dans le monde. Ah oui, les pandas d'arène, mais ça se promenait dans Warcraft. C'est comme une espèce de caméo bizarre dans Warcraft 3. Mais moi, dans le temps, dans WoW, je pensais que la première expansion, c'est ça qui allait sortir. J'étais, oh yeah, man, des pandas avec des katanas, ça va y aller en esti. Mais non, finalement, j'ai été amèrement déçu. Mais vu que, en fait, je jouais à peu près pas à WoW dans le temps. J'avais joué un peu avec des amis, mais j'avais même pas accroché. Ça m'a raccroché, ça pendait avec des katanas. Puis après une heure, c'est pas mieux parce que c'est un pendant avec un katana. Non, moi, c'est qu'on appelait ça World of Warcraft quand ça a commencé. On avait ça Play School, My First MMO. Hey, je viens de tuer un lapin puis j'ai une grosse épée. Yes, sir! Oh yeah! C'est ça, j'ai tué un lapin puis il a droppé 450 gold. Wouhou! Et voilà. Pignata! Et mesdames et messieurs, autre nouvelle, comme ça, on parlait de. Ben Andrew parlait de Final Fantasy il y a deux secondes. Final Fantasy VII, il y aurait une suite qui s'en vient en livre. Les éditions Lumen vont lancer le 3 avril prochain un livre qui devrait à coup sûr exciter la curiosité des fans de Final Fantasy VII, écrit directement par le scénariste du jeu, Kazushige Noshima. Il prendra 7 histoires courtes censées nous conter la suite des aventures des différents héros de Final Fantasy VII. Cloud, Tifa, Barrett et leurs compagnons seront donc tous à l'honneur dans les 288 pages de ce On the Way to a Smile qui sera proposé au public. Et là, on vous rappelle que les nouvelles de Puissance Maximale sont majoritairement prises sur le jeu jeuxvideo.com. Donc, le prix qui est suggéré ici est de 19,90€. Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus? Est-ce qu'on peut laisser Final 7 mourir? Si vous n'êtes pas pour faire une version HD de Final 7, ouais, arrêtez! Parce que là, on a Advent Children qui est un excellent film, mais à un moment donné, il faudra revenir. C'est comme genre, le patient est mort, là. C'est massage cardiaque, là, c'est non, terminé. Moi, sérieusement, j'ai comme l'impression qu'ils prennent une carotte sur le bout d'une canne à pêche, puis ils sont comme. Non, ouais, c'est ça. Ou, excusez-nous, pour Final 13 trois fois, voilà un livre. Ouais, non, c'est ça. Moi, le pire dans tout ça, là, c'est que. Excuse-moi, tant qu'à faire du rent, là. Je suis en mode rent. Vas-y. Final Fantasy XIII-3, là, Lightning Return, là. Il y a du monde qui ont eu un gros hype là-dessus, là, OK? J'ai vu ça sur Internet, là. Il y a du monde qui ont dit, on va peut-être avoir enfin un Final 13 bon. Non! C'est le 3 d'une série! Tu t'attends à quoi? Qu'ils vont revamper le système au complet puis ils vont sortir un final digne de ce nom? Non! Ils ont fait un final mauvais puis ils se sont dit, ben, il y a des caves qui l'ont acheté. Puis ils ont sorti. Puis le monde, ils ont tout gossé puis là, ils ont dit, ah, on va faire un 2. Ils vont peut-être se dire, genre, que à l'inverse de Final Fantasy 10-2, il y a peut-être des chances qu'ils vont être bons. Là, le monde, ils l'ont acheté. Ouais, Final Fantasy 10 était bon. Moi, j'ai arrêté dessus après le 7. Non, mais t'sais, il était linéaire pis tout, mais t'sais, l'histoire était quand même correcte. Final Fantasy pis linéaire. Final Fantasy, c'est linéaire depuis le premier. Give it a rest, c'est pas Fallout, c'est Final Fantasy Kaltar. J'ai non, lu mais un je parle review linéaire. Sur IGN qui disait que c'était moins bon que Fallout. C'est pas Fallout, c'est linéaire, c'est un JRPG Kaltar. Ben, non, mais qu'est-ce que je veux dire? Je parle linéaire, je parle pas dans l'optique scénaristique. Oui, je parle du labyrinthe qui est un corridor. T'sais, on s'entend-tu que Final Fantasy, avant le 10, il y avait des open world. À partir du 10, c'est quasi absent. Open world, ça, les jeux étaient pas plus... je sais, mais ça donnait linéaire, un sentiment pareil, de liberté. Là. T'avais pas 56 quests, fait que tu seras au château A, vers le château. Mais bref, tout ça pour dire, là, pour compléter mon point, c'est qu'il y a des cons, OK, qui ont fait « Final Fantasy 13-2, c'est sûr que ça va être meilleur que le premier. » Puis ils ont été l'acheter. Puis Square Enix ont fait « Ben, Grim, le monde, ils l'ont acheté deux fois. On va faire quoi? On va en faire un troisième. Mais on l'appellera pas Final Fantasy 13-3, on va l'appeler Lightning Return. Comme ça, le monde, ils vont penser que le système, il est différent. » Fait que là, le monde a fait comme « Hein, il n'y a pas un 3 à fin. C'est un nouveau Final Fantasy. Il va être meilleur. » Ben non! Same shit again! Hey, le monde, gars, il l'ajette. Tu vois comme tu peux faire des miracles grâce au marketing. Les gars, je pense qu'en des mémoires RPG depuis tantôt qu'on parlait de World of Warcraft, en train de pouler un peu de se pouler du hate pas mal. Là. Ben non, je sais pas. Il y a de la gros qui s'en revient, je pense. Mais tu sais, ça, je sais pas pourquoi le monde font tout le temps. Ils trippent autant à chaque fois qu'il y a un final qui sort. Les JRPG, là, c'est une catégorie à part. C'est pas mais la non, même chose que j'aime RPG occidentaux. J'aime les Tales of et tout ça. Mais crime, il y a une limite non, à dénaturer. Là. Mais les Final Fantasy, de toute façon, depuis longtemps, ils n'ont plus la saveur c'est qu'ils avaient à l'époque. C'est plus un film qu'un jeu à cette heure. Non, c'est ça. Donc, oui, Alex, je vais toucher ton Final. Oui, bon. Alex Rignan qui nous envoie des messages. Écoute, Andrew, avant de finir l'émission, on va partir en dernière pause musicale. Et cette fois-ci, bon, on va continuer ça dans le... Ça va swinguer avec la gang de Flogging Molly. On s'en va écouter Tobacco Island. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. At the hell we must sail for the shore, sweet Barbados, where the sugar cane, no taller than the god we once believed in. The butcher and his crowd raped the land we used to sleep in. Now to more chimes of ghostly crimes that haunt Tobacco Island. For Gunnell for sure. They dragged us from our homeland, the musket and their gun. Cromwell and his roundheads battered all we knew. Shackled hopes of freedom were nailed with stolen guns. Darkens the horizon, blackened from the sun. This rotten cage of Bridgetown is where I now belong. Out to hell we must sail for the shore, sweet Barbados, where the sugar cane grows taller than the god we once believed in. The butcher and his crown break the land we used to sleep in. Now tomorrow shines the ghostly crimes that haunt the Tobacco Island. Red leg, down peg, blister burns the soul. The fog is there a plenty, but reasons there are none. Our backs belong to landlords, where branded is their name. Pay for with 10 shillings, cheap labor never breaks. The silver moon is shining, cools a cup of blood. Where the living meet the dead, and together dance as one. Right to hell we must sail for the shore, sweet Barbados, where the sugar cane goes falling and the god we once believed in. The butcher and his crown raped the land we used to sleep in. Now tomorrow chimes and ghostly cries will haunt Tobacco Island. Agony, will you cleanse this misery? For it's never again I'll dream here of home. From the sandy edge, the rolling sea breaks my revenge. Island. My name is Greg Smythe. I'm from OUU, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Flogging Molly et Tobacco Island. Et on va terminer cette émission de Puissance Maximale avec Julien rapidement. On va parler de Geekfest qui s'en vient, on vous rappelle, cet été. Et là, il y a une belle nouvelle qui est sortie la semaine passée. Oui, ben, on rappelle que Geekfest, les 5 et 6 juillet, au Cégep Limoilou, d'un Cégep Limoilou, justement, qui est notre principal partenaire actuellement. Nous commandite de quelques salles. Donc, le Geekfest passe de un gymnase, la salle Sylvain Lelièvre, qui est quand même conséquente, à 600 quelques places, c'est salle de classe, à 3 gymnases de plus, puis la cafétéria. Ouais, ça paraît. Ce qui fait que c'est pas mal rendu en frais de superficie, parce que c'est une première année. On peut pas dire qu'on est des plus gros événements au Québec, mais en superficie, on est pas mal dans les plus gros joueurs en ce moment. Donc, ces salles-là risquent d'être remplies. C'est ça qu'il faut trouver des choses pour les remplir. Une des conditions, c'est de mettre un peu de sport. Fait que mes amis, on va avoir des sports geeks. Yeah! Donc, probablement de la CA, c'est de la reconstitution médiévale. On va se taper dessus à coups de bâton avec des armures. Youhou! Il va y avoir probablement un zombie run qu'on voulait faire dehors, mais pourquoi pas le faire en dedans? Zombie run, pour expliquer. Ben, comme ça, on va être certain que même s'il pleut, on peut faire le zombie run! Ben oui. C'est une course à obstacles à pied. Aussi, que des zombies, vous avez un match de flag football puis de course à pied à obstacles. Vous avez deux drapeaux. Si les zombies attrapent vos drapeaux, vous devenez un zombie. OK. C'est lui qui fait le meilleur temps jusqu'à l'arrivée. Ah, c'est bon. Fait que ça a plein d'activités comme ça. On recherche aussi des partenaires ou du monde qui veulent démontrer des choses, des sports, soit, mettons, du pilotage de voitures de course téléguidée, des drones. N'importe quoi qui touche à la techno, geek. Qui pourrait rentrer dans un gymnase, ça pourrait être super cool. Ouais, si vous avez des modèles réduits, le live là, de AT&T, patente de main, ça serait malade, ça. Ça serait complètement malade. On va faire des jumps en sable. Non, c'est clair. On est des poches de sable pour ça. Puis on vous rappelle en même temps que c'est possible d'acheter votre passe en pré-vente pour les deux jours de Geekfest à 15$ seulement pour les deux jours. C'est vraiment pas cher. Vous vous rendez au www.geekfestquebec. geekfestqc.net. En fait, je vais vous mettre drette là sur la page de Puissance Maximale, la page Facebook de Geekfest. Site qui a été fait par votre humble serviteur. Ouais, donc je vous mets ça direct sur la page de Puissance Maximale. Profitez-en pour acheter vos passes pendant que c'est pas cher, deux jours à 15$. En plus d'être là, voyons, Julien nous l'apprend, un des festivals avec la plus grosse surface au Québec. C'est un des moins chers aussi, à 15$ pour deux jours, c'est vraiment pas cher. À la porte, c'est 25$, mais même à 25$, c'est quand même très peu cher pour ce qu'on a à offrir. À la porte, c'est même à 25, c'est ça, c'est pas cher. J'entends regarder la programmation, puis honnêtement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de trous qu'on pense pas être capable de remplir. Non, c'est ça. Puis en plus, il vous reste encore plein de temps. Donc, les suggestions, les gens qui veulent être présents au GeekFest, peut-être en temps, je sais pas s'il vous reste des tables d'exposants. Oui, il en reste une dizaine de tables d'exposants. Donc, les artistes ou commerçants de la région, bienvenue de nous contacter. Les informations de contact sont sur la page web ou sur le Facebook. Et voilà. Donc, sans aucun problème. Aussi, comme dit, faut pas que les cosplayers se sentent non plus lésés là-dedans. Oui, on n'est pas une convention d'Olympe, on est une convention généraliste geek, mais... Toujours beaucoup la place. Tout le monde me pose la question, est-ce qu'il va du cosplay? Oui, il va du cosplay. Il y a une mascarade. Moi, je comprends pas pourquoi le monde pose la question. Dans les événements geeks, partout. Il y a du cosplay. Partout où je vais, il y a toujours du cosplay. Il y a une première du film Seigneur des Anneaux, il y a du monde en cosplay. Ben, si vous aller au cinéma, regarder un film en cosplay, ben. Pourquoi pas y aller au GeekFest? Pourquoi pas y aller au GeekFest? Le IMAX le supporte, donc on le supporte. Mais les gens ne devraient pas demander s'il y a du cosplay. C'est genre, si ça vous tente de cosplayer, faites-le, tout simplement. C'est GeekFest, c'est quelque chose de geek, faites-le. Moi, comme question, je dirais, est-ce que j'ai le droit d'emmener mon katana véritable tranchant au GeekFest? Et la réponse sera non. Ben voilà, espèce de connard. Ça, c'est pas non, plus une bonne question, mais au moins, j'appelle la police. Non, mais c'est pas plus une bonne question, mais au moins, c'est une question. Ouais, c'est ça. Mais au moins, c'est mieux de poser la question que de présenter sur place avec la dite arme. C'est que j'ai un minimum de bon sens. Ouais. On va essayer de lancer aussi une activité qui va être un tournoi de cosplayers et d'improvisation, qui est la bataille des geeks de cosplay. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que vous arrivez déguisé en personnage. On fait un tournoi, un contre un. C'est de l'impro. Une minute pour dire pourquoi tu es le meilleur personnage par rapport à l'autre. Puis une autre minute pour réfuter les dires de l'autre. Mettons, j'ai mis un exemple sur la page Facebook. C'est Nerdist qui a parti ça sur un canal YouTube. Où c'est que tu as John McClane de Die Hard contre Captain America. Yeah. Toi, tu dis, moi j'ai punché Claire d'en face. T'as fait quoi, toi? Ben, moi j'ai tiré un gars de troisième étage qui battu une gang de terroristes au complet dans une meuble. Moi je fais ça. Du pied en marchant sur du verre. C'est ça, en marchant sur du verre. Dis, mais moi je fais ça depuis la Deuxième Guerre mondiale, le petit. T'sais? Ah, c'est fait bon, qu'après ça, des juges qui décident qui fait quoi. C'est comme un rap battle, mais en cosplay. Ah, c'est bon. Fait que pour les gens qui sont intéressés à faire ça, ben, ils vont avoir des discussions ouvertes pour GeekFest à ce niveau-là. Si tu te sentais à l'aise à improviser, à dire de la merde en masse, parce qu'on est là pour ça. Oh oui, on est là pour s'amuser au GeekFest. Il va avoir un gros aspect techno, parce que je sais qu'Endo travaille beaucoup sur nous amener des compagnies de jeux vidéo indépendantes. Ben, on a et Chains Awesome Game qui t'a envoyé les infos, oui, d'ailleurs. Puis tu serais sur des gros noms, si on peut pas nommer encore. Ben non, parce que j'attends leur devis technique et tout officiel, mais que voulez-vous, ils travaillent sur des gros projets et... C'est ça, c'est délivrable, ça. C'est délivrable. Et voilà. Et t'as Monsieur Michaud qui va probablement animer quelques activités, donc je comprends surtout aussi pour le Q&A de Jonathan Roberge. Ben moi, j'ai une nouvelle à te faire, Julien, que même toi, t'es pas au courant au niveau des activités. Oh. Que je vais t'envoyer les informations du maximum. Est-ce que je vais te fâcher? Non, la question, est-ce que je vais te fâcher? La réponse est oui. Non, t'étais déjà un peu au courant, c'est juste parce que j'ai eu les informations officielles. J'attends juste de les avoir par écrit pour maximum lundi. Tu sais qu'on a un invité littéraire, M. Guy Bergeron, qui est déjà venu quelques fois ici. Je te confirme qu'il est intéressé à faire le concours de nouvelles littéraires. Donc, j'ai les informations de sur qu'est-ce qu'il souhaite. En fait, ce serait des nouvelles, courtes nouvelles en jouant entre 1000 et 1500 mots. Si vous voulez participer, thématique noire fantastique. Ah, c'est bon ça. Donc, auteur en herbe, sci-fi, mais il faut que ça soit du noir, puisque faut savoir que c'est le directeur de la série Les clowns meurtriers, qui est une série de romans de type noir qui joue dans différentes catégories. Donc, plus que Guy est spécialisé sci-fi et fantastique, ben il veut voir ce que nos geekfest. On dans le ventre. Les festivaliers, oui. Ouais. Donc, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi du noir et qui sont plus... Ce qui est plus facile pour un geek, c'est du comic book. Allez sur Wikipédia. Louer des films des années 30 policiers ou écouter Sin City ou n'importe quoi de Frank Miller. Ouais, si vous tapez roman noir, vous allez voir dans le... Justement, dans le roman de détective, policier, très glauque, vous allez voir, là, c'est assez facile à reconnaître comme... Il fait pas beau, il fait noir, puis ça finit mal. Et pas de lapin, de licorne et d'arc-en-ciel. Non. Et le prix de ce concours sera une trilogie autographiée par M. Guy Bergeron. Puis, je vous la recommande, c'est excellent, des excellents livres. Et ses favoris, il devrait faire une lecture devant public de ses nouvelles favorites, donc finalistes. Ah, c'est cool ça. Donc, auteur en herbe, lors de GeekFest, préparez vos textes pour pouvoir les soumettre à M. Guy Bergeron. Merci beaucoup, Julien, de nous avoir parlé de GeekFest. Suivez ça sur Facebook et sur Internet pour les nouvelles par rapport, et bien évidemment, à Puissance Maximale, parce qu'on vous rappelle qu'on est le média officiel, l'émission officielle qui suit GeekFest et qui vous fait part des nouvelles en une exclusivité, pas une exclusivité, mais en primeur. Et voilà. Et c'est déjà la fin avec tout ça. Ben, je peux-tu faire une... Je sais qu'on déborde un peu, là, mais j'aurais juste une dernière chose à dire. Oui. On est très grands fans d'Android ici, en fait, au niveau là, des appareils. Non! Juste pour vous dire que Google a rendu disponible sur pour achat sur les sites d'Amazon et le Google Store le fameux Chromecast, la fameuse clé pour rendre votre TV une TV intelligente. Donc, c'est une petite clé qui se branche dans la prise HDMI de votre télévision et le port USB de service pour s'alimenter en courant. Et ça vous permet de le brancher sur le Wi-Fi et de pouvoir streamer vidéo, musique et Netflix, YouTube, Google Play Movie et des choses à partir de votre navigateur Google Chrome sur votre ordinateur et d'ainsi envoyer ça sur votre télévision. Aucune télécommande, aucune souris nécessaire. Vous pouvez gérer cette clé par votre téléphone, tablette et votre PC. On n'arrête pas le progrès, comme on dit. Donc, et tout ça pour le fameux prix de 39$. Oh, ça, c'est pas cher. Ça vaut vraiment la peine d'aller regarder ça. Shipping gratuit, d'ailleurs. Go, allez sur Google tout de suite, mesdames et messieurs, pour vous procurer ça. Et c'est vraiment maintenant la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Je veux remercier M. Julien Materne qui est passé en studio pour nous parler comic book et de Geekfest, ainsi que son acolyte de toujours, Marc-Camille Carrier. Merci beaucoup à vous deux. Ne manquez pas les calembours d'Andrew la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, et les pieds dans les plats au niveau vocabulaire et référence. C'est ma fête en fin de semaine, fait que tout est permis. Monsieur Andrew Castegan à la console, merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Et mon nom, moi, est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions qui s'en viennent dans les prochains jours en ligne. On vous invite aussi sur Facebook à aller liker la page de Puissance Maximale. Tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. Allez aussi sur la page Facebook de CJMD. Et je finis l'émission comme je finis l'émission à chaque semaine en vous souhaitant une excellente semaine de jeu. Fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify, it's D&D, virgins till the day we one, two, three, four, die!